Ok, bah très bien. Merci, merci à vous tous d'être présents. Vous êtes très très nombreux pour cette fois-ci. Ça fait plaisir à voir en tout cas. C'est un sujet qui a quasiment été plébiscité puisqu'on a consulté tout le monde avant de choisir ce thème-là. Et ouais, il se trouve que vous étiez assez nombreux visiblement à vouloir aborder cette question. Peut-être que c'est une question qui vous, enfin, qui nous concerne, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vous semble intéressante. Donc, je rappelle évidemment le thème du débat, c'est le parti de François Asselineau, donc l'UPR, Union Populaire Républicaine, versus le parti de Florian Philippot, les Patriotes. Et pourquoi, en fait, on a choisi de proposer ce sujet? C'est parce que, en fait, on a mis pause un moment sur le fil un peu politique du moment dans la scène un petit peu, je dirais, des partis de l'opposition. Et il se trouve qu'on s'est un peu rendu compte qu'il y a énormément de similarités, en fait, assez troublantes, en fin de compte, jusque dans les chartes respectives de ces deux partis. Juste pour, par exemple, vous en donner quelques-unes. On trouve dans les chartes de ces deux partis des expressions comme dépasser le clivage gauche-droite, pas de réforme de l'Union européenne sans Frexit, réinstaurer le rayonnement de la France, organiser des référendums sur d'importantes questions, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qui paraissent similaires. Mais par ailleurs, dans leurs discours respectifs aux deux présidents de parti, bien, en ce moment, on retrouve énormément de points de divergence. En tout cas, l'image qui en ressort, c'est qu'il y a énormément de divergence, en tout cas entre les deux présidents. Et bien que dans le même temps, il y a énormément de convergence, notamment et principalement sur l'Union européenne. Voilà. Et donc, par contre, quand on écoute Asselineau et Philippot s'exprimer, que ce soit l'un sur l'autre ou de manière plus générale, on est assez frappé par l'inimitié un petit peu qu'il y a entre les deux. Donc on peut voilà, entendre à travers diverses prises de parole de l'un et de l'autre, ben on les entend un petit peu, si ce n'est pas s'écharper, c'est quand même un peu hostile, disons, l'un vers l'autre. Donc ben écoutez, sans plus attendre, maintenant que toutes les règles vous ont été exposées, que tout le monde a l'air... Ok, je vous propose comme d'habitude, je vais juste faire un petit tour de chauffe, un petit tour de table en guise d'échauffement sur une question peut-être toute simple qui est celle qui est la suivante, c'est qui selon vous, et je vous en prie, n'hésitez pas à être vraiment honnête, à exprimer votre pensée avec franchise, on est là dans un espace vraiment de liberté d'expression, donc n'hésitez pas. Qui, selon vous, des deux protagonistes, donc Florent Philippot ou François Asselineau, vous semble être le plus stratégique dans son approche? Donc finalement, la question c'est qu'est-ce qui vous semble des deux parties être le plus l'approche la plus stratégique? Je pense que c'est une bonne question pour commencer et savoir un petit peu ce que vous pensez de manière générale, globale de tout ça. Donc je donne, si vous voulez bien prendre la parce que vous êtes très nombreux, je ne vais pas pouvoir tous vous citer. Donc la personne suivante après moi qui a son micro ouvert, si tu veux bien prendre la parole. Ah, bah apparemment c'est moi, bonsoir tout le monde. Salut. Du coup, moi, le plus stratégique des deux, celui que je vois en tout cas très stratégique, mais c'est peut-être parce que je connais moins l'autre, c'est Asselineau. C'est quelqu'un de très méthodique, d'appliqué. Tu sens que c'était le premier de la classe à l'école pendant toute sa scolarité, quoi. Et du coup, je pense que ce type-là est extrêmement stratégique, quoi. D'accord. Allez, au suivant. Je crois qu'on a... Ah, le prochain, ouais, c'est Luna Sunshine. Okay. Bah, je rejoindrai le même avis, mais j'ai envie de dire, Philippot, il est aussi stratégique, mais peut-être plus de façon politicienne. On n'arrive pas trop à savoir... si c'est vraiment sincère ou pas, parce que Il a essayé je pense, hein, d'infiltrer le FN et en essayant d'utiliser justement la stratégie de rendre le FN un peu plus, comment dire, un peu plus, je sais pas comment dire, démocratique aux yeux des gens, quoi, un peu plus ouvert, mais. Là, on ne sait pas trop. Il n'a pas été honnête avec lui-même, parce que s'il est honnête maintenant et qu'il veut le Frexit, ça veut dire qu'il l'était pas avant. Et c'est difficile de savoir si quand est-ce qu'il était honnête. Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'est maintenant? Donc du coup, je pense que la stratégie, je pense qu'elle est plus au niveau politicienne chez Philippot. Et clairement, ouais, Asselineau, il n'y a pas de stratégie politicienne, hein. Il dit toujours la même chose depuis le début. Là, au début, en introduction, vous avez remarqué que c'était à peu près la même charte. D'accord. La charte d'Asselineau, elle était en premier, pour le coup. D'accord, Donc voilà. ok Luna, donc je vois. Pour le moment, tu mets juste un tout petit peu en doute, disons, les réelles intentions, peut-être, ou peut-être des Là, je me ambitions. tâte. D'accord. Alors, on va reprendre dans l'ordre, puisque je vois que des micros se sont ouverts. Bastos, si tu es parmi nous, tu veux bien donner ton avis là-dessus? Donc du coup pour moi l'approche la plus stratégique je pense c'est les deux. Déjà d'une part parce qu'ils ont une formation assez classique finalement de la politique, hein, ils viennent tous les deux de l'ENA quoi. Donc c'est des stratèges je pense assez peaufinés surtout dans notre monde moderne quoi. Et après oui c'est sûr Asselineau peut-être qu'il a plus de sincérité par rapport à la durée de son parti quoi qui est plus longue quoi. Donc forcément la charte n'a pas changé voilà les arguments. Tout ça, maintenant, ça reste, bon, ça reste un grand stratège, quoi. Son but pour lui, ça sera d'être président, quoi. Par tous les moyens possibles. Après qu'il commette des erreurs, ça, c'est autre chose. Et pour Philippot, est-ce que c'est pas un opportuniste aussi? Est-ce qu'il est sincère dans tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'a pas, il n'est pas carriériste aussi, quoi? Bon, ça, c'est à voir, quoi. C'est, pour moi, deux gens qui viennent quand même, d'une formation politique qui est quand même très très qui est républicaine quoi. Donc voilà. Merci Bastos. Alors derrière, je crois qu'il y a Free Thinker. C'est là. Alors oui, bonsoir tout le monde. Alors déjà, pour pas la stratégie d'Asselineau, en fait, c'est qu'il n'en a pas vraiment. C'est vraiment basé sur la sincérité pour moi. Parce que quand on parle de stratégie, c'est sur un champ de bataille. Or, Asselineau, il n'en a pas vraiment. Il a misé tout sur la sincérité et quelque part, c'est une stratégie en soi. Par contre, Philippot, qui a les portes ouvertes aux grands médias, lui peut vraiment développer une stratégie de communication. Donc on a vraiment affaire à deux univers qui sont différents. La stratégie d'Asselineau va vraiment se baser sur les médias, Internet, etc. Ma foi, avec une grande sincérité. Et quand on voit les résultats de Philippot sur sa stratégie, sur ce même champ de bataille, on voit vraiment qu'il y a une stratégie et pas de sincérité. Donc c'est discutable, hein, vraiment. Pour moi, la stratégie est clairement sincère chez Asselineau et il base tout dessus. Okay. Donc pour moi, ça se limite à ça, quoi. Ok, je te confirme, effectivement, c'est discutable. Alors ensuite, dans la liste que je m'y retrouve, je crois qu'on a Revax pour la suite, si t'es là. Oui, bonsoir. Alors, moi, ce que j'ai à dire sur ça, il y a d'un côté un homme qui a quand même trimé, même si son parcours, c'est un peu traditionnel, quoi, qui a trimé pendant 10 ans, qui a martelé le même discours jusqu'à aujourd'hui, et qui le maintient jusqu'à présent, quoi, enfin, tout le temps. Je ne vois aucune stratégie de sa part. Par contre, Philippot, ce monsieur vient du FN qui est pour renégocier les traités. Et moi, pour moi, c'est il a fait un copier-coller de la charte. Donc pour moi, le vrai stratège, c'est lui. Je ne pense pas que ce soit un gars honnête pour le pape de France. Je pense que c'est plus un carriériste, comme on a pu le voir avec Monsieur Sarkozy et Marine Le Pen à l'époque où Sarkozy avait dévoilé quelques stratégies pour piquer les électeurs du FN, quoi. Donc je pense que c'est un peu, on fait un peu le même remake, quoi. Là, on est d'accord, Réva, que tu parlais de Florent Philippot, là. Question stratégie, oui. Ben, merci. Derrière, on a Solaire. Oui, tout à fait. Je voulais revenir rapidement sur ce qui a été dit avant. Donc, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur Florian Philippot. C'est un stratège, finalement. C'est un politicien. On peut pas lui demander plus que ça, finalement. Pour François Asselineau, je rajouterais juste une petite chose. Je pense qu'il souhaite réellement rester dans l'arc républicain. On le voit, par exemple, quand il parle du terrorisme, en ignorant totalement le côté le côté immigration de la chose et autres. Donc, on voit vraiment qu'il veut rester dans un quand même dans un arc entre guillemets respectable et qui veut rester, qui veut toujours se faire inviter sur les plus grands plateaux en fait. Et dans ça, toi, tu vois de la stratégie? Et oui, une certaine forme de stratégie pour toujours se faire bien voir entre guillemets par les dominants quoi. D'accord. Bien, ben on y reviendra certainement. Ensuite, on a Takasan. Bonsoir. Si la stratégie est, enfin juste pour rebondir ce qui est sur ce que vient de dire Solaire, si la stratégie est de bien se faire voir par les dominants, ça marche pas extrêmement bien pour François Asselineau en ce moment. Si la question c'est de savoir qui est le plus stratège des deux entre Florian Philippot et François Asselineau, pour moi très clairement Florian Philippot qui a beaucoup changé de parti. Enfin, c'est quelqu'un qui vient de chevènement quand même à la base. Et alors que François Asselineau s'enferme dans une espèce d'éthique de conviction et de monomanie presque psychologique, psychorigide, dans lequel il ne veut pas bouger. Il y a des questions sur lesquelles il ne veut absolument pas se mouiller. Enfin, les questions migratoires, les questions de sécurité. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la bonne stratégie aujourd'hui pour gagner. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français, ce n'est pas ce qu'attendent les gens en général. Et j'ai l'impression que le consensus mou ou cette espèce de volonté de contenter tout le monde, c'est tout sauf stratégique. C'est vraiment, c'est peut-être dans une éthique de conviction, ça peut se comprendre, mais stratégiquement, c'est aberrant, à mon sens. Ben, merci beaucoup, Takasan. C'est très intéressant, ton intervention. Ah bah oui, carrément, ouais. Bah moi j'ai entendu plein de trucs intéressants. Je pense que presque dégager une synthèse de ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a du vrai dans tout le monde, à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois le meilleur atout d'Asselineau, c'est sa sincérité, mais à la fois c'est là où ça pêche parce que précisément il n'y a pas de stratégie en fait à l'UPR, à part justement cette sincérité. C'est très frappant, l'UPR, quand Asselineau il a commencé son grand discours à la Villette, il a dit « Nous gagnerons parce que nous avons raison », et les gens vont le voir. Et ça, je trouve, c'est pas une stratégie, parce que les mecs... Les cimetières et... Personne, enfin, ça veut rien dire du tout de dire « Ouais, j'ai raison, les gens vont le voir ». Il faut avoir une stratégie, et... Lui-même, qui est d'ailleurs un grand fan de Gaulle, je fais exprès de mettre les pieds dans le plat, puisqu'il dit, De Gaulle disait, c'est la politique, c'est la guerre des mots. Bah, comment tu veux gagner une guerre si t'as pas de stratégie? Ça, je me le demande. Et la seule stratégie de la sincérité, à mon sens, elle est quand même insuffisante pour pouvoir être dans la bataille politique. Et ce qui fait que, pour moi, Asselineau et Philippot, bah, ils ont une forme je sais pas, complétitude, oui, si ça se dit, je sais pas. En tout cas, ils se complètent parfaitement parce que l'un, il est complètement, oui, dans la stratégie politicienne. Et ça, on a beau dire, mais ouais, c'est de la politique, donc tu as besoin de faire de la stratégie politicienne. Et Asselineau, lui, il est dans la sincérité et le fond. Voilà. Donc là, tu as vraiment l'alliance parfaite entre justement ce dont on a besoin, c'est-à-dire la bonne recette. Et le bon chef cuistot pour la mettre en pratique. Parce que, à mon avis, dire jeter la pierre de l'un et l'autre en disant l'un est meilleur que l'autre, non, pour moi, ils ont vraiment quelque chose qui se complète. De l'un qui manque à l'autre, peut-être justement. Peut-être que justement, d'un côté de Philippot, il manquerait pour moi ce fond très puissant, sincère, et du côté d'Asselineau, un manque clair de stratégie politicienne parce que c'est de la politique. Voilà. Ben, Bah, écoute, merci Topaz. Je crois qu'en fait, on a directement touché un des plus gros clivages entre les deux, donc c'est très bien. C'est pour résumer ce côté plutôt sincérité d'Asselineau contre ce qu'on pourrait prêter à Philippot comme étant de la pure stratégie politicienne, intéressée par pure ambition, etc. etc. Alors que on peut le voir aussi d'une manière où Asselineau, sa sincérité ne lui suffira jamais, probablement, à progresser, en tout cas, et à dépasser ce plafond de verre. Ouais, bah, je vais faire exprès de faire le méchant, mais Jacques Cheminade aussi, il est sincère. Ouais, voilà. Bah, alors là, on a FTP qui est avec nous, si tu veux. FTP, pour relancer le tour, je veux bien qu'on commence avec toi. Peut-être dis-nous, toi, de ce que tu en penses, déjà pour commencer. Et puis, est-ce qu'il ne paraît pas, vraiment, est-ce que ça ne paraît pas comme étant une stratégie qui échoue, le côté juste trop super sincère, qui ne cherche pas à être tacticien, peut-être à aborder certains sujets, là, comme on a pu entendre que Asselineau, visiblement, s'enfermerait dans certains sujets sans vouloir dépasser. Enfin, une stratégie peut-être qui pêche un peu, et donc est-ce que ça suffit juste d'être sincère en politique, ou est-ce que malheureusement il va falloir être tacticien et un peu plus stratège que ça, en fait? Donc FTP, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Oui, je pense que ça ne suffit pas, surtout en politique. Voilà, il y a vraiment toute cette partie médiatique, communication qui est plus qu'importante aujourd'hui. C'est un peu tout ce que j'en pense. Je maîtrise très mal le sujet, hein. Je vous avouerai que ce soir, moi, je viens vraiment surtout en tant que en tant que spectateur, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, voilà, que je maîtrise très peu. Mais oui, pour moi, voilà, ça ne suffit pas. Voilà, il y a toute une dimension de communication qu'on ne peut plus se permettre de négliger aujourd'hui. Merci beaucoup FTP, pas de souci. Du coup, je demanderai à qui veut bien prendre la parole de répondre à cette question. Juste, est-ce qu'il suffit d'être un homme honnête, intègre, droit sur toutes les lignes pour réussir en politique? Et je donnerai qu'un seul exemple, peut-être le plus parlant de ces derniers mois, c'est l'élection de Macron. Est-ce qu'il suffit d'être honnête, sincère et droit dans ses bottes pour réussir en politique et prendre la place de Macron? Est-ce que je peux prendre la parole? Ah, Volmar, avec plaisir, on t'entend beaucoup mieux, vas-y. Ah, cool, bon, c'est cool. Je veux bien répondre à ça, je fais une petite parenthèse par rapport à ce qui a été demandé avant, vis-à-vis de la stratégie. Alors, je dirais, moi, qu'il y a trois plans de stratégie, je vais aller vite. Un plan de communication sur lequel, à mon avis, Asselineau est très mauvais parce que il est trop à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que on se fout de sa gueule parce qu'il connaît super bien ses dossiers. Donc c'est vraiment le monde à l'envers, quoi. Mais il n'arrive pas à comprendre comment faire pour accrocher le spectateur, alors que Philippot, il a vraiment ce truc-là. Bon, ça a été quand même plus ou moins dit. Au niveau de la stratégie personnelle, je pense qu'en fait Asselineau, il se ruine sa carrière, quoi. Enfin, il a aucun intérêt personnel à faire ce qu'il fait. Parce que le mec aurait pu être dans des bureaux et se faire payer grassement. Et en fait, franchement, il prend une cause à bras le corps qui, franchement, va le ruiner, quoi, personnellement. Enfin, il le fait déjà, à mon avis. Alors que Philippot, je pense qu'il a vraiment cet aspect carriériste qui a été vu. Et ensuite, il y a un aspect aussi stratégique au niveau national. Je pense que Asselineau serait habile là-dessus parce qu'il connaît vraiment très, très bien, à mon avis, les rouages géopolitiques. Mais il est tellement à contre-courant de l'idéologie dominante, pour le dire vite, que je ne sais pas si ça se passerait vraiment très bien. Enfin, ça serait quand même un gros merdier, quoi, s'il était au pouvoir. Enfin, ça serait aussi le cas d'ailleurs pour Philippot. Je pense que Philippot, après, a quand même moins de culture, il me semble, géopolitique d'esprit, disons, de projection et de d'essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer dans le futur pour la nation, à la lumière de l'histoire, etc. Je pense qu'il est moins cultivé, quoi, Philippot, même s'il est loin d'une bête. Hein. Je pense que vraiment Asselineau est très très bon là-dessus. Et justement, parce qu'il est, je rebondis sur ton deuxième aspect de question, il y a une sorte d'équation inverse entre la compétence réelle d'une personne en politique et sa capacité à séduire les foules, en fait. Et je trouve que Macron, c'est vraiment l'incarnation totale, quoi. C'est-à-dire que plus c'est creux, plus ça plaît, quoi. Mais tu vois, enfin, l'image qui me vient, c'est ce qui se passe dans un stade de foot, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire comprendre à un stade de foot, hein, par exemple. Mais c'est pareil pour le peuple, quoi. Tu peux faire comprendre quoi, en fait? Des trucs hyper cons, ouais, vas-y, gueule, ouais, allez, c'est bien, ouais, voilà, c'est ça, en fait, que tu peux faire comprendre à la foule. Et plus, en fait, tu réduis, et plus tu vas vers l'individualisation, pardon, de ton message, et essayer de vraiment faire passer les choses avec des nuances, mais voilà. Voilà, c'est possible si tu écrèmes, mais plus il y a une sorte de psychologie des foules, quoi, le truc de Gustave Le Bon, quoi. Plus t'es en foule, voilà, et plus il faut dire des trucs cons. Donc je pense que en effet, ben, il faut le truc de Machiavel, quoi, hein, essayer de duper les foules, de simuler, de dissimuler, pour essayer de gagner son truc, quoi. Ce qui fait que les parties c'est à chier, et enfin bon, en tout cas c'est mon avis, et qui fait que je renvoie un peu dos à dos de mon côté Philippot et Asselineau, quoi. Réaliste et aussi malheureux que ce soit, c'est assez évident que, comme tu le dis, il y a peu de chances qu'en racontant la stricte vérité, etc., on parvienne à se hisser au sommet de l'État. Donc voilà, encore une fois, aussi malheureux que ça puisse être, en étant vraiment pragmatique, pourquoi est-ce que on ne voit pas Asselineau pousser la dynamique encore plus loin, puisque là on est assez centré là sur, j'ai l'impression, plutôt sur Asselineau. On n'a pas beaucoup parlé de Philippot, mais on y viendra. Est-ce que d'autres personnes voient un petit peu ce point, ce qui pourrait être un point faible là-dessus quand il s'agit d'Asselineau? Alors oui, si je peux prendre la parole rapidement, je me dis, le problème actuellement en politique, pour moi, c'est que les stratégies qui se basent sur vraiment une stratégie de communication qui va aborder tous les sujets, que ce soit le racisme et j'en passe, hein, il y en a moult. Je vais pas citer d'autres partis politiques, mais j'ai l'impression qu'ils misent tout là-dessus. Alors effectivement, ça a du succès, mais personnellement, c'est pas ça qui va me convaincre, parce que j'ai plus l'impression d'avoir vraiment des opportunistes, parce que chaque politicien pourrait très bien récupérer n'importe quel sujet et en faire des tonnes pour convaincre les gens. Alors est-ce qu'aujourd'hui il faut passer par là pour convaincre les gens, pour avoir des voix, ou est-ce que comme Asselineau, il vaut mieux pas plutôt avoir une stratégie de se baser sur quelque chose de fiable, de sincère, de solide, et pour essayer de, on va dire entre guillemets, surfer sur la contestation générale qui en a marre des démagogues, quoi. Si je peux rebondir juste là-dessus rapidement, moi, Asselineau, il y a un grand problème avec lui, c'est qu'on est en 2018 et j'ai l'impression, alors c'est un peu moins vrai pour Philippot, mais les souverainistes, ils sont vraiment obsédés par leur marotte, les référendums de 2005. Il faudrait comprendre que les Français sont un peu, je sais pas, passés à autre chose que les questions. Alors, peut-être t'as tort ou à raison, je sais pas, mais Asselineau, il faudrait l'entendre parler. Peut-être du chômage, de l'islamisation, de des questions migratoires. Quand vous dites tous que Asselineau est honnête, vous avez une définition d'honnête qui est assez bizarre, parce que je le trouve très très fuyant sur pas mal de sujets. Est-ce qu'on peut dire que ce côté fuyant est une forme d'honnêteté? Je sais pas. Il y a beaucoup de sujets qui fuient. Et moi, ça me paraît pas tout à fait honnête, en tout cas pas tout à fait clair, pas tout à fait... Ne pas vouloir se mouiller à ce point-là sur des sujets très clivants, c'est pas ma définition de l'honnêteté. Enfin, ça donne plutôt l'impression de quelqu'un de fuyant aux Français, en tout cas, je trouve. Très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est un reproche, effectivement, qu'on peut lui faire à Asselineau. Moi, j'imagine que parce que par son parcours, si tu veux, qui est quand même très à droite, il faut quand même le dire, il était quand même au RPF, il était avec Pasqua, avec De Villiers, au machin, enfin bon, on va dire ce qu'on appelle la droite de la droite. Aujourd'hui, qu'il arrive quand même dans le monde médiatique, entre guillemets, à la lumière de tous, pour pas apparaître avec en plus un programme qui est sortons de l'Union européenne, revenons aux Francs, je te cite De Gaulle, etc. il veut pas apparaître comme le facho de facho, quoi. Donc du coup, il essaie, j'ai l'impression, de gommer, si tu veux, tout cet aspect-là, tu vois, justement, immigration. Curseur, quoi, tu vois, dès que tu vas clac, clac, ça va servir à te... Alors, lui, en plus, il commence à parler d'immigration, il va lui ressortir les photos avec Pasqua et tout. C'est donc, à mon avis, c'est ça son histoire d'être fuyant sur ces sujets-là, parce qu'il sait pas comment en fait faire. Tu vois, il sait pas comment faire en fait. Il sait pas comment faire, j'ai l'impression. Donc il est pas très honnête. Donc, il est pas hyper honnête. Enfin, il est très. C'est pas une forme d'honnêteté. Donc, il est très, très calculateur, quelque part. Pas faux. Vas-y, Bastos, vas-y. Ouais, non, parce qu'après aussi, on oublie, parce que concrètement, quand on parle d'une alliance entre ces deux parties, est-ce qu'on parle des hommes, les leaders, ou les militants, quoi? Parce que concrètement, les militants, eux, bon, ont pas ces soucis d'ego et peuvent, je pense, arriver à une alliance... naturel, quoi. Par contre, c'est clair que les leaders, et en plus, bon, Asselineau, c'est un ancien, quoi, hein. Voilà. Donc, avec une pensée d'ancien, il y a aussi cette confrontation générationnelle qui est présente aussi à prendre en compte entre un Philippot et un Asselineau. Et voilà, une façon de penser qui est vraiment, Tepa l'explique très bien, mais je pense que, voilà, tu le connais peut-être mieux que nous tous ici. Mais voilà, c'est un mec qui pense vraiment une ancienne époque. Donc, et en plus, qui a peur que face à cette nouvelle façon de penser dans la société, cette nouvelle moralisation, il peut pas dire des choses, donc il se restreint et se cantonne. Voilà, finalement, ne rien sortir à part des articles, ce qui est pénalisant pour lui. Mais en tout cas, pour revenir sur l'alliance entre ces deux parties, c'est possible, mais pas les leaders. Les leaders, je pense, sont trop d'ego, quoi. Merci. Bah oui, mais dans ce cas, une alliance sans les leaders, c'est égal à pas d'alliance du tout. Bah, on peut en... Oui, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est sûr. T'as raison dans ce que t'as dit. Je plus sois complètement. Le fait est que s'il n'existe pas en fait une alliance objective entre l'UPR et les Patriotes, c'est même pas un papier à cigarette qui les sépare, c'est descendre. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est pareil. Et ben, c'est vraiment une histoire d'ego, quoi. Clairement, parce que j'ai l'impression que. Moi, tu sais ce que je crois, j'ai l'impression de voir deux marchands de poissons, quoi, qui se font face à face dans le même marché. Oui, parce qu'ils disent. Et oui, qui refusent d'avoir le même stand. Parce qu'ils disent pareil. Enfin, ils disent la même chose, quoi. Ils disent la même chose, et puis bon, après, je sais qu'on va me dire, ouais, il y a l'antériorité d'Asselineau, ça fait longtemps qu'il dit ça. En même temps, Philippot, il est très jeune. Je sais pas si au même âge, Asselineau, il pensait déjà comme Philippot. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, clairement. À mon avis, Asselineau a très bien joué un coup tactique vis-à-vis de Philippot. C'était de focaliser sur lui et de le mettre quelque part devant ses responsabilités en anticipant sa démission du FN, parce que je pense qu'il l'avait anticipé depuis un moment. Asselineau est pas bête. Et... Oui, il l'avait dit dans les conférences, c'est vrai. Eh ben je pense que c'est très intelligent de sa part d'avoir anticipé ça et d'avoir finalement piégé Philippot avant et d'avoir très bien anticipé le coup. Ouais, mais alors, moi, je suis d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait ? Alors, moi, je vais poser une question aussi. Le fait que, si tu veux, par exemple, lorsque Philippot, effectivement, est parti du FN, on a vu, il allait monter son truc. Est-ce que, justement, du point de vue stratégique, puisqu'on parle de stratégie, eh ben, pour l'UPR, de se rapprocher quand même de Philippot et de lui demander, lui dire, bon, ben, finalement, est-ce qu'on peut pas faire des choses ensemble? Après tout, qu'est-ce qui les sépare, à part cette bataille d'ego? Et de dire, oui, c'est moi le premier qui dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne. Bon, d'accord. Mais une fois qu'on a dépassé ça, parce que l'UPR, quoi qu'il arrive, il faut quand même pas rêver. Ils ne vont pas gagner dans les élections sans faire d'alliance. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi, la politique. La politique, c'est, oui, surtout quand tu es des petits, c'est des alliances. Donc, comment tu vas aller... pourquoi ne pas se trouver, justement, et ne pas voir les patriotes des alliés plutôt qu'en faire des concurrents c'est des guerres de chapelle, là. On croirait le clan gaulois, quoi. Tu vois, les mal effacés. Tu as debout la France aussi, avec. Hein. Oui. Mais même la FN... Pardon. Ouais, vas-y. Non, mais en vrai, à ce moment-là, UPR, les Patriotes, Debout la France et le FN, ils devraient être un parti unique. Concrètement, dans les grandes lignes, bon, même si il peut y avoir quelques différences, voilà, que bon, mais légères, c'est vraiment très légère, quoi. Ça reste du patriotisme. Avec un soupçon de nationalisme, pas pour tous les partis, mais quand même, bon, en règle générale, voilà, on retrouve cette idée. Donc concrètement, tous ces partis-là doivent s'allier. Mais moi, je pense, et là, pour te répondre, t'es pas, il n'y a qu'une question d'ego là-dedans. C'est qu'une question d'ego. Malheureusement, on est sur un... Sur ce point-là, on a quand même pas mal d'éléments là-dessus. Moi, j'essaie vraiment de ne pas être partisan de quoi que ce soit en tant que modérateur, juste vous donner peut-être quelques sources et vous poser des questions. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas que, d'une manière générale, quand on entend l'un et l'autre s'exprimer sur l'un et l'autre, il n'y a pas quand même un peu plus d'hostilité de la part d'Asselineau envers Philippot, du coup, qui amène à penser que c'est peut-être, pour le coup, peut-être Asselineau qui serait peut-être le moins prêt à éventuellement faire un pas vers l'autre. C'est une question que je pose, hein, parce que moi, c'est au regard vraiment des vidéos, parce qu'on sait que vous voyez qu'Asselineau, il fait quand même pas mal de vidéos, d'ailleurs Philippot aussi, et à chaque fois que viennent, interviennent les questions sur le camp adverse, on va dire, il y a quand même une grosse hostilité, pas plus tard que là, avant-hier, moi, j'ai suivi le direct d'Asselineau, c'est quand même assez hostile envers Philippot, avec des mots très durs. Quand de l'autre côté, Philippot, j'ai l'impression qu'il est justement peut-être beaucoup plus dans la tactique éventuellement, la com, hein, la communication, et peut-être qu'il soigne un peu plus ses réponses là-dessus. Et Asselineau, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est ce côté-là peut-être plus sincère dont certains parlent. Mais en tout cas, c'est vraiment, on n'a pas le sentiment qu'Asselineau soit prêt à faire quoi que ce soit de compromis avec qui que ce soit d'autre, en fait, au final. Et on a l'impression que si tu signes pas la charte de l'UPR, tu peux aller te faire voir, en fait. C'est pas un peu ça? Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, mais du coup, ça s'appelle comment? Enfin, bon, après, voilà, ça va être réducteur, mais je suis d'accord dans ton analyse. Asselineau veut peut-être plus, mais après, plus, je sais pas vraiment, parce que bon, Philippot, c'est... Il découvre ce que c'est d'être leader, mais on peut pas savoir son intention véritable, vraiment où il veut aller avec son parti. Il est quand même assez récent, donc on connaît pas. Maintenant, sur Asselineau, on est sûr que lui, il y aura pas de deuxième, il y aura pas de troisième, quoi. Il y a un numéro un et c'est lui. Donc, si Philippot rentrait dans cette acceptation-là d'être numéro deux, à ce moment-là, je pense qu'il pourrait commencer à y avoir des discussions. Mais sinon, je pense qu'il n'y aura pas de discussion. Et malheureusement, ce seront des ennemis et que même à des petites élections où il y a des triangulaires, ils se foutront dans les pattes, quoi. D'accord. On n'entend pas beaucoup d'autres personnes. Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Essayez, s'il vous plaît. Vas-y, je t'en prie. Alors, bonsoir. Moi, je voudrais intervenir parce que j'ai l'impression aussi qu'on parle beaucoup de Philippot et d'Asselineau en tant que personnes et d'individus eux-mêmes et qu'on n'en parle pas assez dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation et du projet qu'ils portent pour la nation s'ils devaient être élus. On en parle beaucoup plus dans un cadre de qui a des potentialités, enfin du potentiel électoral, pardon, et moins dans le projet qu'ils portent pour la nation. Je pense que Asselineau est beaucoup plus compétent, expérimenté, droit, honnête, et qu'il a de très bonnes stratégies, contrairement à ce qu'on dit dans le sens stratégie pour la nation et son avenir, pas de stratégie électorale, pas au sens péjoratif, et que Philippot a des cartes en main, comme l'accès aux médias, et éventuellement aussi un discours très concordant avec Asselineau, dans le sens où il a participé à des représentations d'Asselineau, qu'il a repiqué pas mal de ses idées, qu'il a dernièrement osé dire qu'il était le seul candidat du Frexit. Il y a une certaine malhonnêteté chez Philippot vis-à-vis d'Asselineau, et je comprends tout à fait la violence des propos d'Asselineau au sujet de Philippot. Comme vous, je ne comprends pas le fait qu'il n'arrive pas à s'entendre, parce que je pense qu'ils devraient marcher ensemble. Et après, je pense que le problème, c'est effectivement un problème d'ego, du fait que s'il y en avait un qui devait être le sergent de l'autre, ce serait Philippot, par rapport à son expérience, qui devrait être le sergent d'Asselineau, qui est beaucoup plus gradé et galonné dans ce qu'il fait. Maintenant, faut quand même être cohérent. Le projet que porte Asselineau est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus fiable que celui que porte Philippot, qui est donc jeune en politique et qui va d'un côté et de l'autre et qui ne sait pas trop ce qu'il dit, qui un coup est dans un camp qui ne veut pas quitter l'Europe, puis soudain qui prétend être le seul candidat du Frexit, ce qui est quand même énorme de dire ça. Et donc moi je serais quand même pour dire quand même remettre les choses en ordre sur le fait que Asselineau a quand même le plus gros potentiel et les meilleures compétences pour capacité stratégique péjorativement parlant mais nécessaire toutefois pour accéder gagner les élections contrairement à Philippot. Merci beaucoup. Intéressant, mais j'ai quand même envie de te rétorquer un truc, c'est quand tu dis que Asselineau semble avoir le projet le plus sérieux, etc., t'as l'air d'en être plutôt convaincu, mais j'entendais d'autres participants tout à l'heure mentionner le fait qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu du côté du programme, on va dire, d'Asselineau, c'est que justement, il y a quand même pas mal d'aspects de la politique qui, pour le moment, refuse d'aborder. Alors, tu pourras me dire que c'est dans la cohérence et dans l'ordre des choses qu'il faille de toute façon absolument une condition, à savoir la sortie de l'Union européenne pour pouvoir développer tout le reste. Mais n'empêche, est-ce que les Français se sentent à ce point-là concernés par la sortie de l'Union européenne pour éluder tout un tas d'autres questions qui les concernent, comme semble un petit peu le faire Asselineau? Est-ce que je pense pas que ce programme, ben justement, il pêche par ce, enfin tu vois, il a ce défaut-là de manquer d'aborder un tas de questions qui concernent les Français. Je pense au contraire que c'est pas un défaut et que c'est parfaitement calculé. Il faut voir qu'Asselineau, il a fondé l'UPR, qui commence à se faire connaître depuis les dernières élections, qui commence à atteindre, je crois, les 30 millions de personnes qui le suivent. En tout cas sur les réseaux sociaux, je pense, et j'ai vu dernièrement qu'il commençait à aborder ces questions-là. Je pense que s'il le faisait pas avant, c'est principalement parce qu'il ne voulait pas que ces sujets, déjà qu'il portait des étiquettes comme le complotisme et certaines choses, nuisent à l'évolution naissante de son mouvement. Et je pense que là, dans les dernières vidéos, justement, il commence à en parler, notamment il parle de la délinquance d'origine étrangère. Je pense qu'il va aborder ces sujets-là et il commence à les aborder. Mais je pense aussi qu'il avait besoin d'un certain temps et de certains appuis avant de commencer à parler de ces choses-là, étant donné comment il était déjà catalogué, notamment dans les médias qui le censurent. Oui, j'ai un truc à répondre à ça. Vas-y, Pocassal. Alors, comment tu expliques qu'il a passé tout son temps à la présidentielle dans ses vidéos du mois, à taper sur le FN avec des éléments de langage, on aurait dit le Parti Socialiste, c'est-à-dire diviser les Français contre les autres, taper sur l'immigration. Et pourquoi un discours aussi violent, aussi acharné, aussi vraiment, il a une dent contre le Front National et comment il gère les questions d'immigration? Moi, quand tu dis, moi, il me manque quand même chez Asselineau, pardon, le clin d'œil. Il me manque le bon, je dis ça, mais bon, en fait, j'en pense pas moins. Et ça, je l'ai chez Philippot et je l'ai pas chez Asselineau, qui a passé son temps à taper sur le FN sur les questions migratoires. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Je voudrais bien. Je vais te répondre. Parce qu'il n'a pas tapé sur le FN pour les questions migratoires, au contraire, justement, on lui dit sans arrêt qu'il ne parle pas assez d'immigration. Non, il tapait en priorité sur le FN parce que dès le début de ses interventions, on l'assimilait à l'extrême droite, on l'assimilait à la droite et à l'extrême droite. Et parce qu'il voulait faire une barrière claire entre le FN qui soi-disant proposait le Frexit, puis ensuite le référendum, etc. Donc, pour essayer de dissocier le souverainisme ou le Frexit du FN et de lui. Parce que là, il y a une espèce d'assimilation entre extrême droite et souverainiste et Frexit à cause du FN. Et c'est pour ça qu'il tapait, je pense, plus... En fait, c'est pour ça qu'il tapait sur le FN, quoi, pour mettre une différence claire entre le souverainisme et l'extrême droite. Ouais. On peut être souverainiste et être de droite, de gauche, n'importe quel... Alors maintenant, ouais. Moi, je vais mettre encore le pied dans la mare, mais justement, est-ce qu'il ne faisait pas plutôt ça par électoralisme ou par, en tout cas, l'idée de séduire les médias? Parce que, on ne va pas se mentir, le curseur migratoire étant le curseur aussi absolu, tu vois, de l'idéologie dominante, et pour entrer dans les médias... tu n'arriveras pas en ayant des discours anti-migrants, etc., à moins d'être très installé, quoi, tu vois. Mais c'est, voilà. Donc, est-ce que justement, ce n'est pas un positionnement, pour moi, idéologique, qui est en vue d'un calcul électoral, voilà, sans se mentir. Je pense pas que c'était pour pas être dans les médias, vu que le FN est clairement anti-immigration, et ils sont largement dans les médias, donc je vois pas trop le rapport. Et pourquoi taper sur le FN dans les vidéos du mois? Ah non, mais le FN, il est oui, mais parce que c'est des élus. Mais Asselineau, il n'est pas élu. Oui, mais on va pas se mentir, les vidéos du mois, il n'y a pas que les adhérents UPR qui les regardent, il y a aussi beaucoup de gens qui... Enfin, faut savoir à quel public on s'adresse. Je veux dire, à un moment donné, quand on passe sur TV Liberté, on dit pas les mêmes choses que quand on passe à Libération. Pourquoi dans ces vidéos du mois taper sur le FN? Je comprends la stratégie de taper sur le FN quand il passe sur le plateau d'ITélé ou quand il est chez Bourdin, mais dans ces vidéos du mois, sachant le public qu'il regarde, et je pense qu'il n'y a pas que les gens de l'UPR qui le regardent, je ne comprends pas cet acharnement sur la politique migratoire du FN. Ton explication tiendrait, Luna Sunshine, je pense, s'il ne s'agissait pas des vidéos du mois. S'il avait ce discours-là sur ITélé, je peux le comprendre. Sur YouTube, j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal quand même. Mais t'as bien vu qu'ils reprennent sur, je sais pas, sur France Info, etc. Ils font des espèces de vidéos où ils reprennent toutes les vidéos qu'ils font sur le net. Donc, si... Il y a beaucoup plus croustillant à se mettre sur les dents que Asselineau qui tape sur le FN dans les vidéos du mois. Bah, peut-être, mais en tout cas, dès le début de ces interventions médiatiques au début de la présidentielle, ça a été le bashing direct. Donc, je pense que ça lui a mis un coup sur la tête, à mon avis. Il s'est dit, oula. Bah, je comprends sa stratégie quand il passe à ITélé, je la comprends pas sur YouTube. Vraiment, ça me dépasse. Je viens de te répondre, enfin, je vais te donner une explication possible. Après, est-ce qu'il fait la différence entre Internet et la télévision? Et je pense pas. C'est là pour lui, Internet, c'est aussi la télé. Hein. La différence générationnelle, quoi. Ouais, je pense pas non plus, je suis d'accord. Si je peux intervenir vite fait, je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale entre la télévision et Internet. C'est que les journalistes à la télévision vont chercher à soutirer des avis très manichéens des candidats, et je pense qu'Asselineau, il est plus beaucoup plus mijauré, il appelle plus au dialogue, parce que lui-même peut-être qu'il n'a pas des réponses et qu'il cherche plutôt à mettre de l'eau dans le vin que la réponse, elle est plus subtile. Alors moi justement, ça, je suis, bah tu vois, c'est effectivement ce qu'il en ressort quand on écoute les discours d'appel au dialogue, de faire le CNR, hein, le fameux Conseil National de la Résistance, c'est-à-dire unir les forces patriotes, en tout cas ceux qui vont dans le même sens d'essayer de sauver la France. Et de ce point de vue-là, c'est là que je parle. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bataille de coq et de bataille d'égo. Et c'est vrai qu'il penche un peu plus quand même du côté d'Asselineau, parce que dans ses sorties publiques, il tape comme ça, par exemple, sur Philippot. Mais quel intérêt, puisque si on parle de « ouais, on doit faire le CNR, on doit machin », mais quel intérêt de taper sur les gens qui sont d'accord avec toi? Enfin, ça, pour moi, ça reste quand même du domaine de l'incompréhensible. Quand Philippot, il est sorti du FN, immédiatement, je crois quelques jours après, il y avait une vidéo d'Asselineau, il lui tapait dessus, mais c'était hallucinant. Et même la vidéo dont il faisait référence tout à l'heure, à l'assaut que j'ai vu en direct, j'ai un peu halluciné, effectivement, comment ils tapaient sur Philippot pour pas grand-chose, quoi, parce qu'ils sont quoi, c'est une bataille de coq, là, c'est une bataille bah, de pas coq. Grand-chose, quand même. C'est quoi le fond du désaccord? Quand même, quand tu dis depuis 10 ans la même chose, là, que tu veux le Frexit et qu'il y a un mec qui arrive... excuse-moi... Philippot, depuis qu'il est dans le FN, moi déjà, j'avais déjà analysé ce fait-là, que Philippot était foncièrement pour la sortie de l'Union européenne, mais que dans le bureau national, ça se voyait qu'ils n'étaient pas tous pour et que c'est une question qui posait problème. Mais quand tu l'écoutais, tu voyais bien que c'était une ligne de fracture et que Philippot, il était clairement dans cette ligne-là. Donc ça, depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, peut-être. Mais après, on va attends, les mecs, ils vont passer 10 ans. Ah bah non, mais là, j'ai pas fini ma phrase. J'avais pas fini ma phrase. Je disais que ça faisait 10 ans qu'il dit ça, et le mec, il arrive sur la soupe, et surtout, il dit, je suis le seul candidat du Frexit. C'est ça, je veux dire, c'est ça qui, je pense, qu'il a énervé, là, parce que c'est quand même un truc de ouf. Ouais, non, mais alors, là, moi, je te le dis, c'est de bonne guerre, parce que, excuse-moi, pardon, mais il faut aussi avoir un peu d'empathie. le mec il me tape dessus sur les vidéos depuis 8 mois, je vais pas lui faire, je vais pas lui lancer des fleurs non plus, quoi. Tu vois, c'est-à-dire si Asselineau avait peut-être été un petit peu plus gentleman, certainement que Philippot aurait pondu à part l'appareil. Enfin, tu vois quand même. Ouais, mais là, tu vois, on parlait de stratégie politique, mais c'est pas très stratégique de sa part parce que en disant cela, il se braque tous les électeurs du potentiel qu'il peut avoir qui vote pour Asselineau pour l'instant et qui pourrait. Les mecs qui votent pour Asselineau, de toute façon, ils voteront pas pour Philippot et Asselineau, oui, mais il tape sur Philippot, donc. Pas forcément, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui disent vu qu'il est médiatisé, il aura plus de voix. D'un point de vue stratégie politique, pourquoi il ferait une fleur à Asselineau en le citant dans une grande émission, dans un truc qui va être repris des millions de fois par Internet, sur Internet, alors que Asselineau, il lui crache dessus. C'est, enfin, moi, je ne sais pas, ce serait un peu non, maso. Non. Mais... Je suis d'accord que ça serait maso de dire, de prononcer peut-être le mot d'Asselineau, mais c'est aussi con de faire comme s'il n'existait pas, comme tous les médias le font actuellement. Tu vois, il y a un juste milieu, faut la jouer finement, quoi, ne pas le citer, mais en même temps, pas dire que c'est... Bataille d'ego. Bataille d'ego, quand Asselineau lui parle de Philippot, en plus maintenant, c'est sa nouvelle marotte, parce que avant, on entendait beaucoup, il frappait sur Marine Le Pen, mais maintenant, il frappe que sur Philippot, parce que j'ai vu aussi à TV Liberté, il frappe sur Philippot et tout, machin, enfin, j'ai halluciné aussi. C'est les électeurs qui peuvent potentiellement fuir, quoi. Donc c'est normal c'est politique. Alors là on est dans la politique politicienne de boutiquier. Entre boutiquiers, je te dis, les stands de poissons, vaut mieux faire un stand commun ou faire que essayer de voler les clients de l'autre, je sais pas, enfin tu vois. On est d'accord que il ferait mieux de faire un stand commun, mais c'est qui doit rejoindre l'autre, quoi. C'est quand même, ça serait quand même incroyable que le jeune ça me paraît logique. Non, mais dans la logique, moi je te donne raison en tout cas. C'est Philippot qui aurait dû faire la démarche vers Asselineau. Maintenant, est-ce qu'il aurait pas dû aller directement voir Asselineau et voir ce qui était possible de faire? Est-ce que ça a été fait? Justement sur cette question, je remets sur la table le fait que il me semble que dans ses premières interventions à la suite de la création du mouvement Les Patriotes, Philippot, quand on lui posait la question un peu de ce qu'il pensait d'Asselineau, etc., je suis désolé, hein, c'est vraiment, j'essaie d'être objectif, mais je constate quand même que j'ai l'impression qu'il se comportait quand même de façon beaucoup moins hostile. En déclarant à plusieurs reprises qu'il trouvait très intéressant. Tout à fait. Chez Guillaume Durand, chez machin, il parle d'Asselineau, il en parle en très bien. Non, mais je doute pas de la sincérité de Philippot vis-à-vis de France Inter aussi. À Radio France, il parle d'Asselineau et tout. Et c'était avant, justement, les sorties d'Asselineau. Donc, aussi, à un moment donné, moi, je me dis, il faut se mettre à sa place. Le mec, il parle d'Asselineau dans des grands médias, à Radio France, à machin, à France 5, à truc, il en parle en bien. Alors qu'Asselineau, c'est vous-même, et on est tous d'accord, mais on essaie de lui mettre une étiquette de complotiste, de machin, etc. Tu vois. Donc le mec, il le défend quand même, donc ça il se mouille. Le mec, il te répond par vidéo, machin, il te chie dessus littéralement. Enfin, ah ben c'est fini. Moi, franchement, le jour où il me pose la question, je suis seul, c'est moi, je suis seul, l'autre, j'y pense même pas, parce que l'autre, il me chie dessus. Enfin, à un moment donné, il faut quand même être clair, quoi. Ouais, mais il faut regarder l'ordre des choses, parce qu'au tout début, il a dit clairement qu'il pouvait y avoir une alliance, il suffit de proposer les trois sorties, quoi. Et a priori, c'est ce qu'il propose, enfin, sauf pour le commandement intégré de l'OTAN, lui, il veut, enfin, bref, il y a une petite différence là-dessus. Mais, je pense qu'il a pas dû, il voulait faire son truc en solo, lui aussi, Philippot, et du coup, je pense que l'animosité est partie à partir de là, quoi. Quand il y a vu que... Non, mais justement, regarde que Philippot fasse son truc en solo, je veux dire, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Là, on parle d'alliance, c'est-à-dire de parler entre, Philippot, il a proposé à Mélenchon de venir boire un café, il s'est fait jeter comme une merde. Il peut pas parler avec Asselineau. Franchement, parce que il faut pas sous-estimer la force de l'un et de l'autre, tu vois. Mais ce que je trouve dommage, c'est l'agressivité, si tu veux, d'Asselineau, alors même que Philippot, il a plutôt démontré de la reconnaissance, de l'amitié, tu vois, en tout cas. Enfin, il n'a pas non plus couché, mais ça va, le mec. L'amitié. Ah bah, écoute, quand il en parle, avant qu'il y ait ces épisodes vidéo, il parlait dans les grands médias de la Célineau. Je suis désolé, ça c'est vrai. Mais il a dit quoi, franchement? Il a dit un truc bien, France Inter, France Info, où il disait d'analyse. C'est le seul truc qu'il a dit. Il a été chez Guillaume Durand aussi, il en a parlé. Non, mais attends, Guillaume Durand, il en a parlé ailleurs. Mais bref, de toute façon, il n'est pas là pour faire la pub d'Asselineau. Non, mais d'accord, mais il n'en a pas parlé. Non, mais oui, ben, en tout cas, il en a mieux parlé qu'Asselineau en a parlé. C'est-à-dire, le mec, tu parles bien de lui, et l'autre, il te répond par vidéo en te disant, en gros, que t'es qu'une grosse merde. Moi, après, je parle plus de lui. Enfin, tu comprends, c'est un peu logique. C'est vraiment, je vois pas ce qui est pas logique dedans. C'est le mec, il fait l'effort si tu veux, de bien parler. Quelque part, c'est peut-être même un petit appel du pied, un petit clin d'œil. Tu vois, au lieu de prendre ça normal, tu lui chies dessus. Le mec, il va plus reparler de toi. C'est un peu logique. Enfin, moi, je sais pas. C'est vrai que c'était une mauvaise stratégie d'Asselineau, quoi. Clairement. Encore une fois, C'est clair que niveau stratégie, c'est niveau zéro, quoi. Donc, je suis désolé, il a juste dit une seule fois un truc positif. Hein. C'était, il a de bonnes analyses, machin, bidule truc. Après, c'était, il a créé sa petite entreprise, il fait son truc de son côté, machin, truc. C'est pas super, c'est gentil. Après, non, ça, c'était après. Oui, mais après que Asselineau lui a un peu craché dessus. Mais déjà, Luna, pour te répondre. Philippot, il va pas prendre les militants de l'UPR, hein, il va pas voler les militants de l'UPR, il va déjà prendre tous les déçus du FN, du second tour, ok, donc il va en ramasser un peu quelques-uns, et ceux-là, ils comptaient pas aller à l'UPR, tu vois, donc il est en train de recréer un mini-parti nationaliste de récupération, quoi. Mais en aucun cas, concrètement, Philippot va voler des gens à Asselineau, quoi. Bah, je suis pas sûr complètement de ce que tu dis, hein, parce que il marche un peu quand même beaucoup sur le terrain d'Asselineau. Et oui. Si c'est pas des entre guillemets déçus peut-être de l'UPR qui changerait de bord, ce serait au moins des quelque part peut-être des adhérents en moins ou des voix en moins pour l'UPR quand même pour Philippot. D'autant que, encore une fois, on a l'impression que Philippot, il intègre beaucoup plus de sujets. Hein. Enfin, encore une fois, désolé de remettre, mais il y a ce côté-là un peu que quelqu'un mentionnait précédemment, un peu enfermement sur certains sujets. Et peut-être qu'à un moment, il y a un plafond de verre. C'est-à-dire qu'aborder le même sujet constamment, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à dépasser ce truc et toucher plus de personnes, comme Philippot peut-être peut le faire. Mais juste là-dessus, si, je pense que quand même Philippot a des chances de gratter sur le terrain d'Asselineau, enfin, concrètement. Oui, mais si tu penses qu'Asselineau peut encore avancer dans l'optique, parce que concrètement, il a fait 1%, enfin 0,9 ou 1%, je ne me rappelle plus, au premier tour de la présidentielle, concrètement, avec sa stratégie, il ne va pas passer à 2% aux prochaines élections. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc concrètement, Philippot, quand il vient, il prend... plus, il va plus prendre les déçus du FN que concrètement non, c'est vrai, piquer les militants du PR, quoi. Moi je suis d'accord avec toi parce que en plus c'est là-dessus qu'il va prospérer. Il prospère sur les terres du FN, Philippot. Il prospère pas du tout sur les terres de l'UPR. C'est justement, c'est pour ça que je parle d'alliance, parce que ils sont sur des terrains qui ne sont pas les mêmes, tu vois, presque. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'ils vont réussir peut-être à mixer les deux. Mais sauf que cette alliance est un peu morte-née, je trouve, dans la mesure où il y a eu quand même une raideur, si tu veux, d'Asselineau vis-à-vis de Philippot, incroyable de ces derniers temps dans toutes les vidéos, quoi, tu vois. Il faut quand même le reconnaître, quoi. Oui, mais il faut le reconnaître, encore une fois, je pense que ça vient à la suite, je pense, du fait qu'il a vu qu'il n'y aurait pas d'alliance possible venant de Philippot. Je pense que Philippot veut absolument. Alors là, c'est extraordinaire. Tu me dis parce qu'il aurait vu qu'il n'y aurait pas d'alliance possible venant de Philippot, mais il lui a chié dessus dès qu'il est sorti du FN. Non, justement, pas au tout début. Mais la première vidéo où Asselineau, quand Philippot est parti du FN, la première vidéo qu'Asselineau a faite, il parle de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu te souviens de cette vidéo? Il parle de l'alliance. Non, pas du tout. Moi, j'en ai une où il parle d'alliance. Enfin, du tout, il parle pas du tout d'alliance. Ah, bon, bah, je peux t'en ressortir si tu veux. Il parle pas d'alliance. Il dit à Philippot, il dit oui, Philippot, pour qu'il vienne à l'UPR, parce qu'en plus, voilà, les gens nous demandaient, mais est-ce que justement, il n'aurait pas une place à l'UPR, finalement, Philippot. Il faut qu'il admette qu'il s'est trompé, qu'il s'excuse, qu'il machin. C'est hallucinant. Enfin, moi, j'ai complètement halluciné sur la réponse. Et que c'est enfin, je sais pas, je suis Philippot, j'écoute ça, j'ai pas envie de faire une alliance, je te le dis. C'est un peu, je trouve, il y a quand même un positionnement qui n'est pas clair, je trouve. Alors, voilà, c'est une bataille d'égo, c'est pour ça que je mets ça sur le coup du combat de coq. Ou alors, peut-être, calcul politicien, effectivement, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est ouais, pour gratter quoi, 0,5%, enfin 0,3%. C'est voilà la bataille, franchement. Enfin, deux partis comme ça qui, c'est pas pour leur manquer de respect, hein, mais qui sont quand même des petits partis, quoi, dont un vient juste d'être créé. Moi, ça me fait rire que quand même, voilà, qu'on arrive à des batailles d'ego, quoi. C'est là que je comprends pas, quoi. Et alors, les amis, là, si vous voulez, à ce stade-là, ce qui serait bien, c'est qu'on refasse un petit tour. En plus, il y a des personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Juste qu'on refasse un tout petit tour. Et derrière, j'ai noté pas mal de vos réactions pour qu'on puisse rebondir. Mais en attendant, j'ai noté qu'il y avait Moutous Liber qui nous avait rejoint. Donc, si tu voulais ajouter un peu ton opinion sur ce qui se dit, ce que tu as entendu jusqu'à présent, si tu es là. Moutous Liber, visiblement pas avec nous. On va passer à Takasan, si tu es toujours là. Oui, enfin, je n'ai pas grand-chose à redire, si ce n'est une redite. C'est vrai que c'est difficile de sortir des débats et des égos de chef, parce que oui, il y a aucune différence de fond entre, ou alors qu'on me la montre, mais il n'y a aucune différence de fond entre les Patriotes et l'UPR. J'aimerais bien sortir de ces débats de chef, en fait, parce que ça m'ennuie pas mal. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Ouais. Derrière, on a Volmar, si tu veux reprendre. Ouais, je trouve que les masques tombent, quoi. C'est-à-dire que ça montre aussi ça, quoi. C'est-à-dire que quand on est capable de rester sur la petitesse de sa petite personne, alors qu'on est censé parler de la France, tout est dit. Hein. Si les mecs sont pas capables de se mettre d'accord d'ici quelques mois, ça veut dire que c'est des tringles, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est décevant parce que on attend toujours qu'il y ait un petit peu ce truc napoléonien, le mec qui va venir nous sauver avec une grande figure, le machin et tout. Mais en fait, les mecs, dès qu'on parle boutique, c'est la même merde, quoi. Voilà. Ok. Dol, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je voudrais rebondir sur un truc, c'est qu'on a beaucoup parlé d'Asseino qui taclait spécifiquement le FN d'abord, puis ensuite Philippot. Alors déjà, je voudrais dire pour ma part que je trouve que c'est faux. Asseino tacle énormément de monde, Mélenchon, Macron, le FN, Philippot et bien d'autres. Je comprends pas pourquoi on met spécialement l'accent sur le FN et Philippot. Dans le cadre du FN, est-ce que les événements lui ont pas donné raison, étant donné qu'il parlait du FN comme d'un épouvantail? On a vu aux élections Marine Le Pen qui avait une autoroute ouverte face à un mec sorti de nulle part et qui réussit à perdre et à danser après sur du Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu'il avait pas raison de l'attaquer? Et par rapport à Philippot, je vois un petit peu comme si c'était deux paysans. Philippot, c'est le paysan qui vient piquer les légumes dans son champ pour les revendre à son client. Est-ce qu'il a ou raison de sortir le fusil pour lui tirer dessus quand il vient dans son champ? Moi, je suis vraiment du côté de Asselineau. Et ensuite, la bataille de coq, on parle de bataille de coq, on parle quand même de personnes qui se présentent pour être élues à la tête de la nation. Donc, à un moment donné, t'es dans une arène où il faut que tu gagnes. Ils sont pas là pour être gentils, les gens. Ils sont là pour être les chefs. Et quand t'as plusieurs personnes qui veulent être le chef, faut que tu coupes la tête des autres. On n'est pas dans une cour d'école à se distribuer des bonbons. Donc, je pense aussi qu'il faut être assez réaliste et bien comprendre les choses. Et moi, je soutiens vraiment Asselineau et sa démarche et son honnêteté intellectuelle et ses analyses. Et je suis pas d'accord sur le fait qu'il a qu'un seul sujet. Il en a énormément. Il en a énormément, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur l'international, que ce soit sur la francophonie. On parle beaucoup de la sortie de l'Europe parce qu'il parle beaucoup de ça. On dit que il est monodialogue. C'est pas vrai. Il parle de beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu plus honnête sur le travail d'Asselineau. Merci. Bah, merci de soulever ce point-là, parce que je pense qu'il va falloir qu'on l'aborde aussi. Je vais juste donner la parole à Free Thinker. Oui, juste rapidement, je me demandais s'il n'y avait pas un phénomène de, comment dire, avant que Philippot puisse rejoindre l'UPR, il faudrait qu'il lave son linge sale, dans le sens où il faudrait qu'il avoue ses erreurs, etc., pour pas entacher l'UPR, parce que si jamais il rejoint le groupe sans rien dire, on n'a rien vu, etc. Est-ce que ça pourrait pas engendrer, comment dire, parce que je vois par exemple que le siège a été attaqué par les Antifa, entre autres. Est-ce que ça pourrait pas polluer le groupe plus qu'autre chose si jamais cette personne ne fait pas son mea culpa, si on l'attaque pas, si on le laisse faire. Tu peux réagir là-dessus? Vas-y, s'il te plaît. Ouais, d'où il a fait un mea culpa, le mec, quoi. Enfin, franchement. C'est bon, enfin, quand tu vois le passé de tous ces gonzes, franchement, on connaît juste la surface, quoi. Les mecs, ils ont tous des bails de malade, quoi. Donc, ils ont absolument pas à s'excuser. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Je voulais aussi réagir deux secondes sur ce qui avait été dit juste un peu avant. Cette élection imperdable face à un guignol qui n'était pas là depuis longtemps, c'est vrai que c'était un guignol qui n'était pas là depuis longtemps, mais c'était pas lui qui était en fait, c'était l'establishment, quoi. Enfin, ça me paraît évident. Donc c'était ingagnable en fait, une élection pour Le Pen, elle le savait à mon avis, quoi. Et puis ensuite, sur le fait que c'est pas une cour de récréation, voilà, machin, bah, oui, non, évidemment, hein, c'est pas un truc de bisounours, hein, mais c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut avoir une grandeur d'âme et une grandeur d'esprit suffisante aussi quand tu à des ambitions pareilles, et que si t'en restes juste à des stratégies de division quand il s'agit d'unir la France et que t'as les mêmes idées que le gars d'à côté, c'est que t'es pas à la hauteur, c'est juste ce que je dis. Je dis pas qu'il faut être gentil, je dis qu'il faut avoir une âme pratiquement suffisamment grande pour pouvoir s'allier avec ceux qui, normalement, de fait, devraient s'allier avec toi. Voilà, c'est tout. Alors, on va reprendre certaines choses, certains points, beaucoup de choses intéressantes. Là, juste sur la dernière intervention, un truc que tu as mentionné sur la victoire impossible en fait de Le Pen, bah, ça c'est un des arguments d'Asselineau, hein, que le FN c'est l'idiot utile du système, etc. Bon, juste là-dessus. En tout cas, moi j'ai l'impression que là il y a quand même pas mal de sympathisants d'Asselineau, et c'est très bien, tant mieux, enfin c'est cool. Je crois que vous êtes, ou alors plutôt plus largement, les militants et les sympathisants du PR sont réputé pour être pas mal actif sur Internet, etc. Et ça se passe très bien, donc c'est cool. Mais cela dit, j'ai quand même le devoir, entre guillemets, d'essayer d'équilibrer un petit peu, donc quand même vous pousser à essayer de répondre à des questions qui, bah voilà, qui posent un peu problème. Et il y a notamment deux choses, entre beaucoup d'autres choses qui ont été dites. Il y a le côté, donc, sincérité d'Asselineau, etc. Moi, ce que j'entends, c'est il y a un certain côté, je sais pas, vertueux peut-être, plus que d'autres chez Asselineau. Et pourtant, il reste qu'il y a ce problème d'ego visiblement, d'Asselineau. Donc j'ai envie de poser la question, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faudrait à Asselineau pour accepter une alliance, comme le mentionne là, le dernier intervenant, qui dépasse réellement, en fait, ce qu'il prétend d'ailleurs, dépasser clivage gauche-droite, etc. Qu'est-ce qui conditionnerait, en fait, le fait que Philippot pourrait éventuellement prétendre à, je ne sais pas, une union, une alliance de près ou de loin avec l'UPR. Ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est qu'il devrait s'excuser et puis d'autres choses. Moi, je ne comprends pas bien en fait d'où vient, malgré sa supposée vertu à Asselineau, le fait qu'il soit aussi hostile et visiblement, je ne sais pas, qu'il fasse preuve un peu d'ego, quoi, sur cette question-là. Et l'autre question, ce sera hyper intéressant juste après, ça rejoint ce que disait Dole précédemment, il faudra vraiment qu'on parle de ça, parce que je crois que c'est un point critique, c'est le pourquoi, je dirais, du fait que Asselineau écarte autant de sujets. Je sais qu'il y a plein d'arguments, et notamment j'en ai mentionné un, c'est le fait qu'il faut faire les choses dans l'ordre, et que la condition, je dirais, sine qua non à l'avancement d'autres projets, d'autres briques de la politique française, c'est le Frexit, sans quoi il n'y a pas grand-chose en fait qui peut être décidé, que ce soit sur l'immigration, etc. et autres. Mais n'empêche, il ne faut pas se mentir, il faut être objectif, Asselineau quand même vraiment refuse quasiment de toucher ces sujets-là, qu'il semble juger trop sensibles. D'ailleurs, il le dit lui-même, parfois c'est des sujets clivants, il l'a répété maintes et maintes fois pendant la campagne, etc. Mais n'empêche, faut quand même constater que les Français attendent des réponses sur ces sujets. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre quand même que Asselineau se refuse à ce point d'aborder ces questions dites sensibles ou clivantes? Donc voilà, ces deux questions-là, c'est à la fois l'ego. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème d'ego chez Asselineau? Et en même temps, pourquoi ce refus d'aborder ces questions? Donc si vous voulez prendre la parole, allez-y, et puis après on prendra dans l'ordre. Allez-y. Juste rapidement, je connais peut-être pas trop le sujet, mais il me semble qu'il y a quand même des débats qui ont lieu en ce moment et qui devraient permettre d'avoir un dossier là-dessus. En fait, Asselineau, peut-être qu'on peut lui reprocher d'avoir un retard sur ce point législatif. Ah d'accord, donc toi tu penserais que c'est plus par méconnaissance des sujets? En fait, non, pas par méconnaissance. Enfin, disons qu'il laisse parler une organisation qui va légiférer sur le problème plutôt que de l'aborder tout de suite et d'être manichéen à ce niveau-là, comme je disais tout à l'heure, du point de vue médiatique. Hein. Donc c'est vraiment mijauré et avec un peu de retard, quoi. Ce à quoi je pensais en posant la question, c'est que je vois Florian Philippot un peu dérouler sa stratégie et lui, pour le coup, il se refuse vraiment pas à aborder toutes les questions, sans aucune exception quasiment. Comme Mélenchon. Mais c'est vrai que bon, on peut dire que c'est peut-être plus facile pour eux parce qu'ils ont quand même largement accès aux médias quotidiennement, etc. Et donc qui réagissent tous les jours en fait à l'actualité, et forcément l'actualité elle porte sur tous les sujets, mais n'empêche, enfin voilà, Philippot il aborde sans retenue quasiment, et entre guillemets on pourrait dire qu'il a un peu réponse à tout, sauf que de l'autre côté on a le sentiment qu'Asselineau, ben, en refusant d'aborder ces sujets, peut-être qu'il s'écarte beaucoup. Est-ce que c'est pas une faute de sa stratégie de s'écarter d'une large partie peut-être du public qui, et passez-moi l'expression, en a rien à foutre, par exemple, de l'Union européenne ou de l'OTAN ou des grandes questions décisives internationales, etc. Et qui a besoin d'avoir des réponses sur son quotidien, sur les problèmes forcément d'immigration, etc. Ça va pas être long. Je comprends le besoin de réponse des gens, mais il y a aussi un besoin de questionnement et de bonnes questions. C'est tout. Je vais préciser un peu ce que tu attends. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Moi, j'ai essayé de parler. Vas-y, Luna, vas-y. Je vais préciser. Effectivement, il y a des commissions en ce moment qui sont en cours sur justement le sujet de l'immigration, sur les sujets énergétiques, sur les sujets de la cause animale, les sujets environnementaux. Tous ces sujets-là sont en cours avec une espèce de commission de plusieurs personnes, et notamment l'immigration, ça sera début avril, je crois, qu'ils vont s'exprimer là-dessus. Donc tous ces sujets-là, là, sur lesquels tu viens de parler, normalement il y aura une clarification d'ici le printemps. C'est tard, l'élection présidentielle, c'était l'an dernier, les gens. Oui, mais sur ces sujets-là, il y avait les fameux référendums là, sur les sujets d'immigration, etc. Mmh. Bon, ben, on peut pas, au moins, on peut lui dire que il reste pas planté sur les trucs et il évolue, quoi. Donc voilà, on peut pas. C'est bien de se réveiller. Oui, ça y est. Excusez-moi. À nous tous, libère. Je peux intervenir 5 minutes. Luna, pour te répondre, tu vois, Asselineau, effectivement, va parler maintenant de ces sujets-là que sont l'immigration et la cause animale, mais c'est vraiment tard, et on sent bien qu'il le fait uniquement parce que Philippot est monté au créneau sur le Frexit, et qu'il sent que bon, y a de la concurrence et qu'il faut qu'il s'aligne. Et en règle générale, je pense que la grande différence entre les deux personnages politiques, c'est avant tout la communication. On en a un, en la personne d'Asselineau, qui est toujours dans le négatif, qui va toujours parler de choses qui font peur, en mettant tout notamment sur le Frexit, sur la sortie de l'Union européenne, sur la sortie de l'OTAN, sur le fait de critiquer les autres partis, de toujours dire « je suis le seul à faire ci, je suis le seul à vouloir ça », alors qu'à côté, on a un Florian Philippot qui est beaucoup plus positif dans sa communication, un petit peu sur le modèle d'Emmanuel Macron, et ça a très bien fonctionné, on l'a vu, et Philippot est beaucoup dans l'ouverture et dans l'après-Frexit. Lui présente vraiment un projet politique de l'après, le Frexit n'étant qu'une formalité qui permettra de réaliser ce projet politique, là où Asselineau, lui, n'en parle jamais. Voilà. Je dirais même juste qu'en... Bah, jolie démonstration, bravo. Ouais, t'as en partie raison, t'as en partie tort, parce que il a pas changé à cause de, je pense pas qu'il a changé à cause de Philippot, ou en tout cas en partie, parce que il y a là, sa base militante aussi qui parle, hein, aussi, on peut parler, et je pense qu'il entend surtout ses militants qui lui ont reproché peut-être justement, même eux, de pas assez parler de ces sujets-là, et notamment l'immigration. Ça, c'est évident, à mon avis, le fait, parce que j'ai vu que ouais, maintenant, ils s'est décidé à vouloir aborder ces questions, c'est la pression de la base, c'est évident, parce que c'est la base qui fait remarquer ce que tout le monde dit en disant « mais pourquoi il est fuyant sur ces questions ?» Bon, moi, j'ai donné mon explication tout à l'heure, mais évidemment, il va falloir qu'il y ait un positionnement un peu plus clair là-dessus, quoi. Ça fait presque peur. Enfin, il y a un côté très immature chez Asselineau de rester dogmatiquement sur des points comme ça. Il y a un côté... Je comprends alors certains, je comprends que les adhérents trouvent ça comme une force, mais moi ça me fait vraiment peur, ce côté monomaniaque et ce côté. On a l'impression qu'il a eu une blessure narcissique, contrairement à Philippot en 2005, qu'il a absolument pas digéré le coup de Trafalgar de Sarkozy. Il est resté bloqué là-dessus et psychologiquement, il y a un côté absolument presque enfantin chez Asselineau, et je c'est pour ça que j'ai du mal avec les arguments des pro-UPR qui nous disent que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je le vois plutôt comme quelqu'un de qui ne supporte pas la vexation et qui j'ai vraiment l'impression que 2007 c'est sa grande blessure narcissique, ça fait très enfantin, enfin, je trouve. Je sais pas si je me suis exprimé très clairement, si on veut voir ce que je veux dire, mais c'est Ouais, non, si, on peut comprendre. Il y a aussi là, ce que je mentionnais juste avant, mais là, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Tepa précédemment et qui revient un petit peu. Au-delà du fait qu'il y a la pression de la base qui amène Asselineau peut-être à évoluer, à porter un peu plus d'arguments sur certains sujets, je mets un peu les pieds dans le plat. Encore une fois, moi, je pose juste la question. Est-ce que... Et il n'y a pas aussi peut-être un problème peut-être idéologique chez Asselineau qui fait qu'il va refuser, encore une fois, d'aborder ces sujets dits clivants ou sensibles. Et concrètement, c'est, bon, on va pas se leurrer, c'est surtout les sujets sensibles de l'immigration, on va dire, et ce que ça peut englober, et voilà, ce que ça peut toucher de plus large. Est-ce que certains diront pas que c'est du gauchisme, machin? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre son projet de Frexit, de souverainisme, etc., dans une certaine mesure de patriotisme, et ce frein-là sur ces questions d'immigration, etc. Je pense que c'est le bon moment de poser la question. Parce que voilà, Asselineau, concrètement, à chaque fois qu'on lui pose cette question-là, je sais pas, il a vraiment pas de réponse claire, il est voilà très fuyant, etc. Donc est-ce que ça vient pas d'un voilà, je sais pas, d'un carcan idéologique chez lui, ou est-ce que vous pensez sincèrement qu'il est prêt à poser ces questions-là franchement sur la table? Si je peux prendre la parole là-dessus. Ouais. Oui, je pense que en fait c'est difficile de dire sa véritable intention, hein. Mais on peut faire des suppositions. Si c'est stratégique, c'est possible. C'est très très mal joué, parce qu'en fait ça ne satisfait pas les gens qui sont plutôt du côté du FN qui voudraient entendre parler d'immigration, et ça ne satisfait pas non plus les gens plus à gauche, quoi, qui voudraient avoir des trucs sociétaux sur le mariage pour tous et des conneries comme ça. Donc en fait, il a écarté ça, je pense, pour ne pas être clivant à la base. Peut-être aussi par bonne foi, comme il dit, parce que c'est cohérent, hein, qu'il a des priorités qui sont autres, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un calcul là-dedans. Et c'est un mauvais calcul, parce qu'en fait, il s'est pas aligné sur quelque chose de clair. Et c'est vrai que, enfin, enfin, logiquement, ça aurait été quand même assez proche de ce que prenait le Front National, quoi. Voilà. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver son identité. Sa seule identité, c'était justement de spammer l'article 50 à fond. Et en fait, c'est vraiment l'histoire d'une mauvaise stratégie politique, hein, l'UPR, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses très intéressantes, hein, évidemment, mais au niveau de la communication et de la façon d'amener ça au grand public, c'est vraiment à chier, quoi. La présentation là, de la dernière intervenante, je crois, Moutous Libère, sur le fait que Philippot pense à l'après-Frexit, et voilà, donc qu'on soit vraiment un projet politique dont le Frexit est une modalité, en fait, juste une étape, et la manière dont Asselineau mise tout sur ce projet, en fait, c'est un projet en soi, en fait. Et on a l'impression que derrière, je ne sais pas si c'est une bonne impression ou pas, ou si en creusant plus le programme, etc., on se rend compte que y a plus que ça, mais en tout cas, l'impression que ça donne, c'est vraiment pas que y a quelque chose de vraiment sérieusement pensé et concret après cette étape majeure, effectivement. Mais voilà. Et du coup, il s'enferme, en fait. Ouais, là, je peux te répondre. Là, il y a clairement une conférence là, justement là-dessus, où il parle de l'après. C'est tout bien. C'est tout bien ordonné. C'est clair qu'il parle peut-être un peu trop du maintenant et du Frexit là, mais c'est ce qui est important. C'est pour ça. Mais il y a clairement un projet derrière. Il y a clairement le programme aussi, hein, même si on fait toujours de cette espèce de marotte là qui fait que tout le monde dit qu'il n'y a pas de programme alors qu'il existe. Ça, c'est devenu une vérité alors que c'est complètement faux. Mais non, clairement, il y a vraiment un projet derrière. Hein. Il suffit juste de se renseigner un petit peu, de regarder les conférences, de regarder le programme. Après, est-ce qu'il faudrait pas plus en parler? Je pense que justement, il l'a pris en compte et je pense que ça va changer d'ici les prochains mois. Mm-hmm. Ouais, effectivement, ouais. Free thinker, vas-y. Oui, je pense aussi que, comment dire, il fait beaucoup de rétrospectives pour étayer ses propos au niveau du Frexit, ce qui est une bonne chose. Hein, c'est vrai qu'il va trop appuyer là-dessus. Et le problème, c'est que après, c'est vraiment une vision d'avenir. Et là, peut-être que dans tous les intervenants, il y en a aucun qui est vraiment d'accord sur les sujets d'immigration, etc. Donc, il prend peut-être une stratégie très souveraine qui se veut de donner la parole aux Français pour leur donner le pouvoir, en quelque sorte. C'est pas à lui de décider de certaines questions. Mmh. Et moi, je me souviens des débats pendant la présidentielle où tu avais Asselineau qui reprochait à certains candidats le fait de reporter à plus tard, notamment, il reprochait notamment au FN d'organiser plus tard, donc après l'éventuelle élection, un référendum sur la sortie de l'Union européenne ou de l'euro, enfin je ne sais plus exactement. En tout cas, il faisait ce reproche au FN de reporter à plus tard cette question-là. Et en fin de compte, est-ce qu'on ne peut pas lui faire le reproche inverse, justement de reporter aussi à plus tard d'autres questions extrêmement intéressantes et préoccupantes, je dirais, pour les Français? Et est-ce qu'on peut pas lui faire ce même reproche-là, en fait? Est-ce qu'il fait pas un peu le reproche qu'il pourrait se faire à lui-même? Alors, si je peux répondre, je dirais tout simplement qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ouais. Donc, toi, en fait, Dole, tu considères que c'est très cohérent, tu vois, c'est très logique le fait qu'il faille passer par cette étape-là, sinon, en fait, on a la maîtrise de rien, on n'est de toute façon pas souverain, etc. Mais dans ce cas, je reprends l'argument de la stratégie politicienne et je dirais qu'on voit bien que ce n'est pas du tout suffisant pour parler au grand public, aux Français au sens large, aux électeurs. Qui ont vu Asselineau, visiblement, en tout cas au vu du résultat de la présidentielle, comme ce personnage, voilà, monomaniaque sur un sujet, peut-être pour certains complotistes, etc. Alors que peut-être en s'ouvrant à plein d'autres sujets qui les concernaient, il aurait peut-être pu gagner une meilleure image, puis peut-être plus de visibilité aussi. Là, ça revient sur la question de l'enfermement. Je crois que c'était la personne Takasan qui me parlait de ça, le fait qu'il s'enfermait sur ces sujets, enfin sur ce sujet. Bon, on en revient un peu à la même question. Alors, s'il y a deux personnes qui souhaitent intervenir, donc on avance. Personne pour défendre l'honneur d'Asselineau. Je plaisante. Ben moi, je veux bien défendre Asselineau, mais comme j'ai dit, il y a un ordre des choses. Tu peux pas faire certaines choses tant que tu n'as pas déjà posé les premières pierres qui vont servir de fondement de base pour le reste. Donc, on dit qu'il est monocentré sur un sujet. Ce sujet, il est quand même essentiel. C'est le sujet sur lequel repose notre souveraineté et notre reprise du pouvoir sur notre nation et sur notre destin commun. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher de se concentrer là-dessus? Et surtout qu'on sait que quand on parle justement à un public de stade de foot, on va dire, pour reprendre l'expression de quelqu'un plus tôt dans le débat, il faut répéter les choses, répéter inlassablement pour que ça rentre dans toutes les têtes, même les plus étroites. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison et que c'est tout à fait cohérent d'expliquer les choses ainsi et de se concentrer d'abord là-dessus, parce que c'est une fois qu'on aura fait ça qu'on pourra enclencher le reste. Je rebondirai là-dessus rapidement, c'est que j'ai pu constater qu'on avait quand même voté contre le traité de Maastricht, etc. Il y avait beaucoup plus de monde qui était contre l'Europe quand on l'a proposé, puis aujourd'hui on a viré de bord et il y a beaucoup plus de gens qui défendent l'Europe. Et convaincre les gens qu'il faut sortir aujourd'hui, c'est quand même compliqué, il faut étayer, donc c'est pour ça qu'il s'enferme peut-être dans une rétrospective. C'est pas évident, hein, mais je pense que c'est crucial, ouais. Alors, on est resté quand même assez centré pour le moment sur Asselineau et l'UPR. Donc, pour l'instant, je poserai juste une dernière question sur ça. Peut-être après, ce serait bien qu'on parle aussi de Philippot, les Patriotes, de ce que c'est et de leur dynamique, etc. Mais moi, ouais, juste une autre dernière question que je souhaitais poser sur Asselineau. Tout à l'heure, ça a été mentionné à plusieurs reprises. C'est comment expliquer en fait le fait que quand Philippot vient parler de l'UE, du Frexit, bon oui effectivement dernièrement je crois que c'était chez Bourdin ou je ne sais plus qui, il avait dit qu'il était le seul à défendre ce sujet, etc. Mais comment expliquer que ce soit quelque chose qui consume Asselineau à ce point et qu'il en devienne hyper hostile et agressif, hein, faut quand même entendre les mots de Philippot dans ses interventions. Comment vous pouvez expliquer qu'un leader politique comme Philippot vienne défendre exactement le sujet central, je dirais, d'Asselineau et que ça blesse autant Asselineau, en fait, puisque voilà, encore une fois, ce côté normalement devrait demander à ce que Asselineau s'en félicite plutôt que de l'amener à s'énerver contre ça. Moi, je veux dire, à sa place, c'est peut-être une réussite, puisque en plus il peut quand même se vanter, on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises, s'en vanter du fait que ce soit l'inspiration de Philippot. Donc il pourrait à la limite plutôt s'en vanter que de tomber dans une espèce d'agressivité. Voilà, donc comment expliquer ça? Alors juste rapidement, quand je parlais de rétrospective, c'est de déconstruire vraiment l'Europe, et il a fait énormément d'efforts jusqu'ici. Donc voilà, je finirai juste là-dessus. Tu disais que qui a fait autant d'efforts? Asselineau a fait des efforts pendant des années pour déconstruire l'idéologie européenne, et j'ai pas l'impression que Philippot en ait fait autant. Ce qui peut peut-être expliquer, comment dire, une certaine animosité. D'accord, et Dol, je crois que tu voulais ajouter quelque chose, et peut-être après Bastos, vas-y. Oui, bah c'est dans cette idée-là, et pour aller même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si Filippo était dans le camp d'Asselineau et qu'ils travaillaient ensemble et que Filippo travaillait pour aider Asselineau, à ce moment-là, je ne pense pas que Asselineau le taclerait comme ça. Le fait qu'Asselineau le tacle, je pense que ça vient essentiellement du fait que Filippo, en faisant ça, lui prend quelque chose dont Asselineau a besoin pour développer son parti, c'est des voix, tout simplement. Et tu voles le fruit du travail, en l'occurrence, qui s'incarne dans des voix, en volant le discours d'un autre et en te disant je suis le seul en plus, alors que tu as 10 ans de retard. Moi, le mec, je le fusille sur place, quoi. Asselineau, il est encore trop gentil, je trouve. Non mais, enfin, voler les discours, mais tu voles pas une bonne idée. Si tu estimes que c'est une bonne idée Non, pas et le que tu... discours, les voix, pas le discours. Ah, bah Si les tu estimes que c'est une bonne voix. idée, tu le rejoins. Ouais, tu le rejoins, mais est-ce qu'il va t'accepter? Bah, il a dit au début qu'il accepterait, ouais. Mais Non, ah bon, il l'a dit ça. publiquement, ça? Ça, enfin, ça reste Oui. encore de l'interprétation, on n'a pas la même interprétation. Moi, Ouais. franchement, je me mets à la place de Filippo, mais c'est malade. Mais moi. Jamais de la vie. Le mec, il te crache dessus, c'est pas du tout une main tendue. Une main tendue, c'est pas ça. Une main tendue, ça se fait pas comme ça. Ou alors. Il a pêché complètement sur la com, ou alors il n'y tient pas du tout. Mais au fond, il n'y tient pas, moi je pense, parce que ça, ça, pourquoi le PA ne peut pas faire alliance avec les Patriotes, dans le fond? Alors, à part cette histoire, oui, c'est moi le premier qui ai dit que je sortais de l'Union européenne. Alors, d'ailleurs, au passage, ce qui est un peu incohérent, parce que si le but est de convaincre les gens, donc à chaque fois que maintenant il y aura de plus en plus de gens convaincus, on va jeter ceux qui sont connus mais convaincus. Enfin, je comprends pas trop quoi. Si quelqu'un bascule, au contraire, on doit s'en réjouir, s'en féliciter. On ne doit pas le jeter. Je ne comprends pas, moi, le principe de Mais cette alliance. ceux qui veulent vraiment pas l'alliance, Cyril Martinez, mot pour mot, nous, on ne veut pas parler au chef à plume, on n'est pas là pour faire des alliances entre chefs, entre Asselineau et Florian Philippot, entre Florian Philippot et Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc, ils veulent pas faire d'alliance, eux. Ils veulent faire leur mouvement et voilà, c'est tout. Ils veulent être calife à la place du calife, quoi. Point. Donc tu Bah, vois. attends, les mecs, ils ont. Attends, je suis désolé, hein, franchement, ils ont quand même. Ils sont arrivés dans le truc en donnant des gages à tout le monde. Je veux dire, Philippot, s'il y en a bien un qui a fait l'ouverture, on peut quand même pas lui enlever ça. Il a été jusqu'à s'humilier à demander des rendez-vous avec les mecs des Insoumis. Donc il a voulu parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est pris une volée de bois vert partout. À gauche, avec les Insoumis, machin, LR, personne ne parle avec lui. Et même dans le camp, entre guillemets, souverainiste, même un Asselineau ne veut pas parler avec lui. Laisse tomber. Et c'est lui qui veut pas parler avec Asselineau. Enfin, il a fait aucun pas pour aller pour. Enfin, il veut pas d'alliance. Point. C'est comme je viens de dire, quoi. Donc à partir de là, le débat est clos, quoi. Il y a aussi, je me permets d'intervenir, dans le dernier entretien d'actualité d'Asselineau, Asselineau a bien dit qu'il accepterait de débattre avec Florian Philippot, Marine Le Pen et tous les autres politiques de tous bords. Donc Asselineau veut bien parler, mais vraiment avec tout le monde. Ça inclut Florian Philippot. Non, mais débattre, déjà, c'est la notion de combattre. Donc, ce n'est pas du tout Il n'est pas l'alliance. venu de parler. Ouais, mais s'allier et débattre, ce n'est pas pareil. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez mettre sur le même plan le fait de se Oh. rencontrer en vue d'une alliance et le fait de débattre. Ce n'est quand même pas du tout pareil. C'est une confrontation, le débat, quoi. Il veut une confrontation pour en gros dire voilà, j'ai raison sur ce débat, donc c'est moi le grand leader de la pensée anti-européenne, quoi. Moi je trouve ça tellement navrant, quoi. Navrant de vouloir débattre avec des gens. Mais non, mais C'est toi qui fais la voilà. conclusion, hein. C'est toi Alors, qui fais cette conclusion-là, hein, Là, on parle juste de débattre, hein. C'est tout. après, Florian, non, mais tu François débats de Asselineau. trucs que. En fait, ils sont d'accord sur tous les points. Et en gros, il faut que tu Sur l'OTAN, débats par sur quoi? exemple. Le Ok, socle. mettons sur l'OTAN. Ok, l'OTAN, qui est une obligation primordiale. Non, mais je te donne le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Tu me dis ils sont d'accord sur tout. Je t'ai dit le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Sur les grandes lignes. Voilà. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Les grandes lignes, ouais, c'est le Frexit. Donc effectivement, oui, ils sont d'accord là-dessus. A priori. Et donc, d'après Asselineau, tant qu'on n'a pas fait ça, on peut rien faire d'autre. Donc, tu veux débattre sur quoi? Sur le Frexit? Il faut qu'on le fasse, de toute façon. Et tous ces partis là qu'on cite depuis tout à l'heure, ils sont d'accord pour ça, quasiment. FN, bon, encore, ça reste, il y a à l'intérieur des divisions. Donc, concrètement, t'attends quoi? Et là, tu vois, il peut débattre encore. Ben non, mais débattre, tu vois, ça peut être débattre justement sur les histoires d'alliance, par exemple. Parce que, a priori, s'ils débattent entre eux, ça devrait venir sur le tapis, à un moment donné, à un moment donné ou à un autre. Et encore, c'est quand même lui qui débatte avec Asselineau. Voilà. Ouais. Bon, c'est un peu... Mais non, mais attends, c'est normal que Philippot, il propose pas de débattre avec Asselineau. Déjà, il est beaucoup plus connu, Philippot, qu'Asselineau. Déjà, il faut quand même relativiser ça. Et en plus de ça, pourquoi Philippot irait débattre avec Asselineau? Il irait débattre avec un mec, de France Insoumise, de En Marche, tu vois, là-haut, de Républicains, enfin, ça a du sens. Mais débattre avec Asselineau, même, je trouve que ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, franchement, c'est pas très intéressant, quoi. Ça, c'est même pas très sérieux. Oui, enfin, il a dit débattre avec tout le monde. Il a dit la France Insoumise, il a dit Macron, ça a du sens. Par exemple, voilà, il a sorti Philippot, Mélenchon, ça a du sens. Voilà, mais il a sorti Philippot en plus d'autres noms, quoi. Il a pas dit je veux débattre avec Philippot, quoi. Ça, il l'a déjà fait à la présidentielle. C'est que de toute façon, voilà, regarde. Donc, c'est pas une alliance. C'est-à-dire, Philippot, il est comme tous les autres concurrents. Il est sur le même plan qu'à Mélenchon, que Marine Le Pen, que Macron, enfin, tous les mecs d'En Marche, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, ce que je. Et là, par contre, je suis désolé, je vais encore mettre les pieds dans le plat, mais c'est bien comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de l'UPR. Moi, je tiens à préciser, hein, je suis un upérien de première heure, j'ai toujours la plus grande admiration pour François Asselineau et voilà tout ce qu'il aura amené à porter. Mais maintenant, je suis plus à l'UPR et je vais pas me priver de ma liberté de parole pour avoir un regard critique en fait de l'extérieur. D'ailleurs, regard que j'avais aussi à l'intérieur, mais que je pouvais pas exprimer publiquement pour évidemment justement les questions de discipline de parti. Mais j'avais déjà ce regard critique de justement pour moi qui pêchait dans la stratégie politique et qui avait un problème de stratégie. Bon, bah, après Asselineau est maître tout puissant chez lui, comme on dit, et voilà, c'est lui qui décidera de tout, qui décide de tout. Mais pour moi, il y a la stratégie politique et surtout la stratégie d'alliance, quelque chose que j'ai vécu en plus de l'intérieur. Alors, je ne peux pas donner tous les détails puisque sa vocation est publiée, donc je vais garder sous le coup de la confidentialité, les tractations, mais je peux assurer quand même que me dire que l'UPR cherche impérativement à faire des alliances, non, je pense que non, justement, et que c'est un problème, parce que justement, les petits partis, particulièrement voilà, l'UPR, et ce n'est pas péjoratif, comme le dit Asselineau de lui-même d'ailleurs, de signifier qu'ils sont petits, et ben, c'est de s'allier, tu vois, pour être plus grand. Et finalement, quand on a quand même l'opportunité d'un mec comme Philippot qui arrive dans cet univers politique, ils sont d'accord, bah, on doit plutôt voir ça pour moi comme une opportunité que dire « ouais, non, c'est un concurrent, c'est un machin ». Au contraire, profiter d'une dynamique, après tout, et l'un profite de l'autre et tout le monde peut en profiter. Après, quand je dis « alliance », c'est au sens déjà de parler, de se rencontrer, de voir des atomes crochus, puisque ce sont des gens... deux personnalités qui sont quand même, quoi qu'on en dise, sur un même positionnement politique. Après, c'est pour ça que je suis désolé, je ramène ça à l'ego, parce que je vois pas autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, je crois que c'était, il est parti, Volram, là, tout à l'heure, qui disait que c'était super intéressant, qui disait, ouais, mais là, c'est là qu'on voit qu'on est devant le réel défi, c'est on choisit la France ou on choisit sa petite tambouille, quoi. Voilà. Et c'est ça le vrai truc, c'est est-ce que pour la France, on est prêt à monter sur la même scène? Est-ce que pour la France, on est prêt, entre guillemets, à poser ses coronets sur la table? Passez-moi l'expression, mais c'est ça, quoi. Voilà. Bah après... Oui, Dol, vas-y. Hein, quelqu'un veut parler, parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Vas-y, te gêne pas. Très bien, alors je voulais dire, après peut-être que le problème de l'Union nationale, c'est vraiment un problème qui va au-delà du conflit UPR et des Patriotes, c'est vraiment peut-être un problème franco-français, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sources qui de poches de dissidence, entre guillemets, ou en tout cas de différents clan, entre guillemets, si on peut utiliser le terme clan, qui veulent se battre pour la même cause, mais qui ne veulent pas le même moyen de faire et les mêmes idées pour y parvenir. Et du coup, on a énormément de mal à parvenir à une union sacrée entre tous les corps de France qui voient que ça va mal, qu'il faut qu'on réagisse, qu'il faut qu'on se batte, mais qui n'arrivent pas à s'unir. Je pense que c'est un problème qui va bien au-delà du problème UPR Patriote. Alors, ah, mais entièrement d'accord avec toi. Ah, mais non, mais là, attends, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est clair que ça va au-delà. Là, c'est en l'occurrence parce que c'est les termes du débat. Et que je trouve que, si tu veux, pour deux ADN politiques aussi similaires que celui des. Et en plus, pour avoir rencontré et connaître de l'intérieur les deux publics, je peux vous assurer que c'est les mêmes. Et parce qu'en plus, à l'UPR, il y a un tabou. Ben bien sûr, parce que le truc de l'immigration, justement, c'est vrai qu'il n'en parle pas assez Lino, mais les gens qui sont dans l'UPR, en fait, ils acceptent la stratégie politique de ne pas en parler pour pas machin, etc., mais ça, ils n'en pensent pas moins, tu vois. Donc il y a quand même, il y a aussi un truc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça sort, que même, tu vois, ça pousse de l'intérieur et qu'il sera obligé de bouger sur ces lignes-là. Mais ce que je veux dire, que l'ADN politique, c'est exactement le même, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas justement une espèce de fusion, d'émulation naturelle qui devrait se produire, plutôt que cette espèce, justement, de retour du coq, de, voilà, je t'ai dit, ouais, les Gaulois, chacun dans son bout de chapelle, l'autre, il a son petit chant, moi, j'ai le mien, je l'aime pas. Enfin, j'ai du mal avec ce truc-là, surtout que, si tu veux, les enjeux sont plus importants que ça, et en plus, on sent, les gens, au fond, tous, vous, je sais que vous êtes plus attachés à l'idée d'un projet qu'une personnalité. Je veux dire, la personnalité, bien sûr. Mais au fond, si le projet, c'est sauver la France, il est plus important, je suis désolé. Au-delà de tout, ils peuvent s'asseoir à la même table. Moi, je serais prêt à m'asseoir. Si on me dit on doit sauver la France demain, je serais prêt à m'asseoir à une table avec Soral, tu vois. Bon, il faut vraiment sauver la France, hein, je vous le garantis. Je suis prêt à passer au-delà de mon ego, au-delà du machin, au-delà du truc, c'est ça que je veux dire, vraiment. Finalement. Si vraiment, ça doit être l'impératif. Et eux, à leur position et leur statut, ils en sont déjà là, puisqu'ils sont porteurs tous les deux. Alors après, oui, je sais, on va dire Philippot, son projet, il est jeune. C'est vrai, il est jeune, on va voir, il doit faire ses preuves aussi, etc. Mais voilà, il est quand même, on sait que c'est un stratège, il a son truc, il a son machin, il a déjà ses relais, ses machins, eux, ils ont des élus, des trucs, il est déjà dans cette stratégie politicienne. Et l'UPR a besoin de ça, l'UPR a besoin de rentrer aussi dans le game. Hein, si je ferais un peu une analogie avec le rap, tu vois, il faut être aussi dans le game, parce que si tu veux changer le game, il faut être dans le game, hein, tu vois, c'est pas en étant hors du game que tu vas changer le game, quoi, tu vois, pour parler Kaira, quoi, vulgairement, mais voilà, c'est-à-dire que si tu rentres pas dans ce jeu vraiment à l'intérieur de ce système politique, bah, tu auras peu de chances de pouvoir le changer de l'intérieur, donc ce jeu des alliances et du machin, etc., mais ça fait partie de la politique aussi, quoi, c'est de la stratégie. Alors, voilà, après, bon, bah, voilà, moi je sais que la sincérité c'est bien, mais ça ne suffira pas pour gagner et pour sauver le pays. Franchement, il va falloir la stratégie aussi, il va falloir penser, tu sais, comme dans la musique, l'art ne suffit pas, tu sais, un jour un grand, voilà, je fais une citation authentique, mais un grand PDG de maison de disques m'avait dit, mais tu sais, c'est 50% la musique et 50% l'idée, le concept. Donc, c'est-à-dire, tu sais, le concept, c'est aussi fort que la chanson en elle-même pour que ça marche. Tu vois, c'est un tout. Et ben, un peu la politique, c'est pareil. Hein. Comme disait Sarkozy, on fait le même métier avec les artistes. Ben, la politique, c'est pareil. Bien sûr, il faut de la sincérité. Politicienne, t'as pas de communication, voilà, que t'es pas dans, entre guillemets, dans ce jeu qui se fait. Ben, franchement, voilà, il te manque une jambe. C'est un monstre à deux jambes. Merci à vous tous. Là, ce qui serait bien aussi, c'est, bah, vous l'avez fait un petit peu, mais qu'on parle aussi quand même un petit peu des patriotes et de ce que c'est, parce qu'on a quand même été pas mal centré sur l'UPR et Asselineau. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que d'ailleurs ça dénote pas de quelque chose dans ce débat? Je sais pas. Je peux répondre. Alors, ouais, ou alors c'est que l'UPR, c'est un parti plus vieux. Que les patriotes, donc tout simplement par rapport à la durée, l'existence, il y a plus de choses à dire sur l'UPR que les patriotes. Quoi. Non, je crois pas que ça soit comme ça. Ouais, je crois pas. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas assez de militants et patriotes, c'est ça qu'il voulait dire. D'ailleurs, c'est. Comment dire, non, par rapport. Assez... Là, c'est, ce que... ça se ressemble ou pas au niveau de l'adhésion on est loin chez les Patriotes du niveau d'adhésion à l'UPR ou pas, vous savez? Alors, les Patriotes, je crois qu'ils ont atteint la barre des 6000 il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Et chez l'UPR, autour de 30 000, c'est ça? Voilà. D'accord. À 200. Oui, mais de toute façon, oui, c'est vrai que c'est un mouvement très jeune, etc. Mais n'empêche, moi, je ne peux pas m'empêcher de constater, n'empêche, plutôt une bonne dynamique. Et surtout la visibilité, en fait, de Philippot. C'est peut-être ça aussi. Mais en attendant, est-ce que, quand même, vous n'êtes pas prêt, pour certains, à concéder ou simplement, je ne sais pas, à décrire ou peut-être à critiquer l'évolution des Patriotes, leur mise en avant, leur programme, etc. Encore une fois, je crois que vraiment, il y a certains passages des deux chartes qui sont derrière de dire que tout a été copié de chez l'UPR. Oui, c'est pas certainement, en tout cas en grande partie. Puis il y a cette histoire effectivement de Philippot qui venait un petit peu espionner les conférences d'Asselineau, etc. En attendant, est-ce que quand même vous n'êtes pas prêt à concéder qu'il y a certains aspects de la stratégie de Philippot et plus globalement de l'idée, du concept, du parti, des idées qui sont avancées chez les Patriotes, qui sont plutôt bien senties en fait et qui sont amenées au bon moment et une espèce de fraîcheur, de relance un peu à travers Philippot, qui lui aussi finalement dans sa stratégie évite d'être maladroit comme a pu l'être par exemple Marine Le Pen précédemment sur certains sujets, notamment les sujets sensibles. Voilà, on a l'impression quand même qu'il essaye de fédérer autour d'un idéal un peu républicain, alors qu'on apprécie ou pas. Je sais très bien que pour certains, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil que de penser qu'on puisse accéder à un retournement du pouvoir. Et puis même que ce ne serait pas du tout souhaitable pour d'autres. Mais en tout cas, est-ce que dans la stratégie, de manière très pragmatique et réaliste, Philippot, quand même, ne montre pas des choses intéressantes, si ce n'est peut-être même bonnes, on va dire. Vas-y, Takasen. Je vais être très rapide, hein, mais je suis désolé d'en revenir à des considérations beaucoup moins pragmatiques et terre-à-terre, mais je ne sais pas, mais Philippot, il est sympa. Tiens, Asselineau, c'est vraiment, on dirait vraiment quelqu'un d'assez aigri. Mais Philippot, pourquoi il passe bien sur les plateaux? Parce qu'il est sympa. Il est, on a envie, vous voyez, de lui parler. On a envie on n'a pas envie de lui rentrer dans le. Les journalistes n'ont pas forcément envie d'être aussi acerbes qu'ils peuvent l'être avec Asselineau. Et ça, c'est quelque chose. Je sais pas. Il passe à la télé. C'est rare, hein, les gens sympas comme ça. Mais il fait tout de suite sympa, on a envie de lui donner le bon Dieu sans confession. C'est un truc qu'Asselineau n'a pas. Enfin, je suis désolé d'en revenir à des considérations moins. C'est drôle, Takasan, parce qu'effectivement, en vérité, on l'a bien vu avec l'élection de Macron, même si effectivement, et moi je considère personnellement, là je peux m'exprimer, exprimer mon opinion là-dessus, je considère que c'est quand même malheureux, ce truc-là, de devoir avoir forcément la bonne image et que ce ne soit pas le message qui compte avant tout. Mais en étant vraiment purement pragmatique, là je te suis, l'image dont jouit Philippot à travers les médias, etc., effectivement, elle semble quand même plus plus lissée, plus agréable pour le commun des Français, et ça lui donne peut-être plus de crédit là-dessus. Il y a ce côté moderne. Alors c'est pas le premier à avoir investi le web. Que je crois que vous savez que Philippot aussi, pendant la campagne, il avait lancé une petite chaîne YouTube et tout, vous vous souvenez, c'est pour se donner ce côté un peu moderne, essayer d'attirer peut-être les gens sur le web, etc. Alors qu'effectivement, Asselineau, c'est son royaume, Internet. C'est le king. Mais ouais, il y a peut-être ce côté-là d'image peut-être à soigner chez Asselineau, peut-être. Si je peux te répondre juste un truc, moi, des militants du PR de la première heure, alors peut-être je m'adresse à Tepa, là, et peut-être qu'il va confirmer ou pas, mais m'ont dit que Asselineau, il n'y croyait pas tellement à ses stratégies du tout Internet au début, et c'est vraiment les premiers militants qui ont poussé à développer une stratégie Internet, et il paraîtrait, alors c'est des bruits de couloir, je ne sais pas, peut-être et Pam pourra me confirmer que c'était quelqu'un qui n'y croyait pas, qui croyait pas au pouvoir d'Internet au début. C'est, on a vraiment dû le convaincre. Bah, écoute, pour confirmer ce que tu dis. Mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, regarde, je confirme et à la fois, je sais qu'il a, il a été. En fait, comme moi, quand j'ai rencontré Luper, bon, c'était quand même en 2009-2010. Ça venait d'être créé, quoi. Et d'ailleurs, c'est Asselineau qui répondait aux mails, aux mails et au téléphone. Et le fait est qu'ils avaient aucun outil internet. Moi, j'ai connu la création de la page Facebook et du compte YouTube, tu vois. Et effectivement, en fait, ils n'étaient pas coutumiers de ces, tu vois, de cette technologie. Et en fait, ils ignoraient totalement tu vois, tous les réseaux sociaux, les machins, les trucs. Et c'est très drôle parce que moi, le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, je lui ai dit, mais vous savez, vous allez être le premier parti de France politique à émerger d'Internet. C'est-à-dire, vous serez un parti d'Internet. Et cette phrase, de toute façon, vous pouvez lui demander ce qu'il côtoie encore, vous lui demanderez, et il vous la confirmera, parce qu'il s'en rappelle, c'est sûr. Et c'est la première phrase que je lui avais dit quand je l'avais rencontré, quoi. Parce que pour moi, c'était évident, il venait de créer son site. Alors, son site était, c'est pas le site de l'UPER d'aujourd'hui, hein, c'était le premier site. C'était catastrophique, quoi, tu vois. C'était, waouh! C'était un site à l'ancienne et tout. Et même les vidéos, tu vois, tu sais, à l'époque, c'est pour ça que, je veux dire, moi, quand je dis l'UPR, voilà, du début, il fallait vraiment être motivé, quoi, parce que, je veux dire, les premières vidéos d'Asselineau, c'est pas les jolies vidéos qu'on a aujourd'hui, c'était les vidéos filmées à la cam, à l'arrache, machin, et tout, enfin, tu sais, c'était des trucs, voilà, c'était vraiment fait avec les moyens du bord et tout. Et voilà, c'est pour ça que je respecte beaucoup le bonhomme, parce que je sais que c'est quelqu'un qui tu vois, qui, entre guillemets, qui vient de loin, qui a voulu arriver là, quoi. Donc, respect pour ça. Mais après, c'est vrai qu'il était loin de ces technologies-là et qu'il a dû s'accoutumer. Il a encore du mal un peu. Mais bon, c'est un peu normal. C'est pas sa génération, tu vois. C'est vraiment, il y a eu une fracture dans les générations du point de vue technologique. Et lui, il est dans l'ancien monde, entre guillemets, tu vois. Il est pas, vraiment pas accoutumé. Toutes ces nouvelles techniques de com, de machin, de trucs, tu vois, il capte pas tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Il a mis du temps à s'habituer à ça, tu vois, donc c'est normal. On est reparti sur Asselineau, je suis désolé d'avoir... Ouais, c'est vrai. Non, mais... je vais rebondir, justement, bah voilà, pour parler de Philippot. Alors, Philippot, justement, lui, c'est l'antithèse, c'est le jeune complètement coutumier de la technologie, qui fait, voilà, compte YouTube, machin, enfin, il est complètement in, il est complètement au fait d'Internet. D'ailleurs, Philippot, il a de ces caractéristiques que quand même, quand il était... au FN et qui passait, on se souvient de l'intervention avec Valls où il lui ressortait les trucs d'internet qui tournaient sur Valls avec l'histoire de ouais les blancos, ouais les comment dire, je suis éternellement attaché à Israël, etc. Et ça, c'est vraiment des trucs d'internet, c'est pas du tout des trucs de grands médias. Et Philippot, il ressortait ça. Donc Philippot, évidemment, est l'antithèse absolue, puisque c'est le mec justement d'internet, il connaît internet, il connaît tout, il connaît les technologies, les gens, les machins, etc. Il utilise des outils. Donc ça, c'est son grand avantage, ça c'est clair. Et c'est en ça justement que, pour moi, c'est pour ça que j'arrête pas de parler de choses qui se complètent, quoi, tu vois, entre un Philippot et un Asselineau, à mon sens. Parce que l'un, justement, n'est pas dans ces technologies, l'autre y est. L'un, il a un fond énorme, une expérience incroyable, tu vois, qui... comme un vieux sage africain, entre guillemets, et puis l'autre, ben, entre guillemets, je veux pas dire, mais il est tout jeune, il est tout frais, il a tout justement à apprendre, tout le machin. Enfin, tu vois, c'est un bon padawan quand même, quoi, tu vois, enfin, voilà. J'ai une question au niveau des patriotes. Vas-y, Paolo. Alors, j'ai une question au niveau des patriotes. Est-ce que vous savez si Florian Philippot a porté des recours, enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe pour ce genre de recours, pour son tag de nuance politique qui est actuellement extrême droite. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles ou quoi. Voilà. Non, moi d'ailleurs, tu me l'apprends. Donc, Philippot aurait porté quoi? Un recours auprès de quoi? Auprès de quelle institution? Enfin... Oui, voilà, c'est au niveau de... Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il a porté des recours, donc j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des informations à ce sujet. Parce que le fait qu'il est de l'extrême droite, enfin en termes de tag, Je ne sais pas si par rapport à lui, il l'est vraiment. Si justement, parce que ça va lui porter préjudice, ce fait qu'il est en nuance politique extrême droite et non au niveau du divers, droite ou juste social. Alors, je t'avoue que là, je ne sais pas, mais que peut-être certains savent, mais en tout cas, une chose que je peux te dire, c'est que sur la charte des patriotes, il apparaît très clairement, exactement quasiment de la même manière que sur la charte de l'UPR, que c'est censé être un parti qui veut dépasser le clivage gauche-droite. Donc ça se veut au-delà de ce clivage-là. Et concrètement, Philippot a toujours refusé, que ce soit au sein du FN ou aujourd'hui, cette étiquette d'extrême droite, quoi. Enfin, au même titre que d'ailleurs tout le FN, etc. Donc non. Et puis même certains, certains des un peu entre guillemets un peu radicaux ou des plus durs de la frange un peu nationaliste, patriote, etc. Bah, critique pas mal Philippot sur ce côté-là, un peu trop socialiste justement, ou un peu trop gauchiste. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti à travers vos débats, vos échanges, vos discussions sur différentes plateformes, etc. Mais il y a quand même, on entend parfois cette critique-là qui est apportée. Alors je n'ose même pas imaginer ce qu'on pense d'Asselineau dans ces milieux par rapport à cette question. Mais non, enfin clairement. Il n'est pas du tout dans l'esprit d'avoir une ligne dure à droite, et au contraire, il va beaucoup, beaucoup plus ratisser à gauche ces derniers temps. Par contre, désolé, je ne peux pas te répondre sur ce recours-là, parce que je n'en avais pas connaissance avant ça, donc ce sera intéressant d'aller regarder. Et d'ailleurs, je t'ai mis la source dans le salon tête situelle. Merci beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'Asselineau avait jamais eu besoin de faire ça, puisqu'il avait été directement classé en divers, là, par l'UPR. D'ailleurs, il espère prochainement de passer de divers à UPR, comme c'est le cas pour l'UFN, LR, LREM ou tous les autres partis qui ont beaucoup, qui ont passé beaucoup d'élections. Alors. Il y a juste donc il y a une personne qui se manifeste sur le chat écrit avec sur le programme des Patriotes. Donc moi j'espère que vous en savez un petit peu, mais de ce que j'ai pu lire moi jusqu'à présent, encore une fois, je répète, comme dans l'introduction de ce débat, il y a énormément, mais vraiment énormément de similarités. Parfois c'est l'impression que c'est mot pour mot repris de la charte de l'UPR. Enfin, du programme de l'UPR, et notamment, donc, il va y avoir des choses comme raviver plutôt le rayonnement de la France internationale, évidemment le Frexit, tout un tas de choses. Et par contre, ce qui est quand même à noter, je ne crois pas que ce soit aussi présent et explicite dans le programme de l'UPR, mais c'est qu'il y a quand même beaucoup de questions, notamment l'écologie. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, c'est Luna, je crois, qui parlait de commission actuellement sur toutes ces questions-là. Mais voilà, les questions environnementales, questions de défense des animaux, je crois, le nucléaire, enfin, l'immigration, évidemment, enfin, énormément d'autres questions. Et qui, pour le moment, dans le discours, en tout cas d'Asselineau, depuis la présidentielle, en tout cas, étaient renvoyées à des référendums ultérieurs, je dirais post-Frexit. Qui n'est pas nécessairement le cas dans la vision, je dirais, de Philippot. Peut-être que vous en savez plus sur le détail du programme des Patriotes. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur les Patriotes, parce que ce serait bien qu'on en parle aussi un petit peu, un minimum quand même, de Philippot et des Patriotes. Moi, je le dis sincèrement, encore une fois, je ne suis pas partisan, et j'ai beaucoup de qualités. Et je m'interroge juste sur le pourquoi. C'est d'ailleurs un petit peu l'objectif aussi dans l'organisation de ce débat, c'était aussi d'essayer de comprendre pourquoi les deux ne peuvent pas se parler. Je crois qu'on a dégagé certains arguments, voilà, il est quand même assez incompréhensible que les deux, alors qu'ils partagent autant de choses sur le papier, ne parviennent pas à se parler en fait. Ou ne souhaite pas se parler. Voilà, pour ce qui est de mon avis, est-ce que vous avez d'autres infos sur les Patriotes ou d'autres critiques peut-être, ou ou d'autres choses à faire remarquer sur Filippo et les Patriots? Alors oui, personnellement, vite fait, je voulais rebondir sur ce que disait Tepa sur le fait que à Solino, il croyait pas en pouvoir d'Internet. Peut-être parce qu'il croyait à un pouvoir d'un cursus normal, d'un politicien normal qui serait passé à la télévision. L'histoire a prouvé le contraire, du coup il lui restait plus qu'Internet. Et Filippo, c'était plutôt le contraire. Comme disait Tepa, c'est la jeune génération, ça va être Internet, etc. Mais excusez-moi, moi personnellement, j'ai l'impression que Filippo n'a pas réussi à convaincre sur Internet, mais il a eu la porte ouverte à la télévision. Donc c'est vraiment les contraires, quoi, à ce niveau-là, déjà au niveau de la communication. Ah oui, c'est ce que tu dis, ouais, bien sûr. Peut-être qu'il, c'est vrai, il n'a pas assez convaincu. Et d'ailleurs, pourquoi il n'a pas assez convaincu? Je rebondis sur ce que disait Alasso, c'est que dans la frange droitarde nationaliste, Filippo n'a pas du tout la cote parce qu'il est pris pour un gauchiste. Et il n'est pas du tout assimilé. Pour eux, c'est quelqu'un de gauche. C'est bon, paradoxal avec le fait qu'on traite d'extrême droite, mais pour les gens justement de droite, il est de gauche, Filippo. Ah oui, c'est intéressant. Bah, clairement, ouais, l'image de Filippo dans cette frange-là est pas, ouais, comme tu dis, il a pas vraiment la cote. Il est critiqué, mais au même titre en fait que Marine Le Pen pendant la présidentielle et après la présidentielle, jugé un peu, tu vois, trop soft, tu vois, pas assez dur, etc. Mais bon, il faut quand même constater. Moi, je suis désolé, je suis obligé de le faire remarquer, peu importe ce que ça en coûte, mais malheureusement, voilà, encore une fois, dans la stratégie, t'es fait élire, quoi. Tu vois, c'est malheureusement, t'es obligé de passer par ce côté un peu, effectivement, machiavélique, etc., pour avancer. C'est le système est fondé comme ça, et donc voilà, on n'est pas là pour être, comment dire, des radicaux qui allons tout casser demain. Etc. D'autant que je pense pas qu'il y ait vraiment les moyens de faire, les moyens matériels de le faire, voilà, à part un miracle. Et donc, et ben, c'est sur ce côté-là que Filippo, ben, pour le moment, gagne un petit peu la bataille de l'image, on va dire. Et je comprends un petit peu, mais je sens de la frustration quand même chez les sympathisants, les militants UPR. Et bah, c'est peut-être un bon signe, en tout cas, que la base fasse peut-être évoluer, avancer à Slino, comme on l'a entendu là, un peu plus tôt. Il va falloir être patient. C'était qui? Ouais, Paola, vas-y. Alors, je voulais juste revenir sur deux, trois petits points. C'est surtout l'UPR, a un programme au niveau de l'écologie et de la francophonie. De ce que j'ai vu durant la campagne, il n'avait pas eu le temps de plus développer tant que ça. Pour Macron, 100% des soutiens de Macron détiennent les médias, et comme on l'a pu le voir, c'est pas, je vous apprends rien normalement, les unes de quasiment tous les journaux, c'était Macron, Macron, Macron, et Macron a eu, je crois, 30% du temps de parole ou temps d'antenne, je ne sais plus trop entre les deux. Et donc, ça a favorisé énormément, vu qu'il y a un rapport comme quoi c'est plus on parle d'un candidat, plus il a de chances d'être élu. Et donc, pour le coup, Macron a été celui qu'on en a entendu largement le plus. Et du coup, bah, forcément, c'est celui qui a été élu, malheureusement. Et puis quand il était ministre, les 6 derniers mois avant que l'élection arrive, enfin, on parlait que de lui aussi. Donc, enfin, il y a eu un avantage. C'est-à-dire, avant même qu'on commence les débats électoraux et la présentation des partis, on parlait déjà de lui. Il y avait un martèlement. Macron a fait ci, Macron a fait ça. Mais là, je dois vous faire part aussi. Je vais paraître pour le méchant encore, mais je trouve qu'il y a eu quand même une grande naïveté de la part de certains adhérents que j'ai rencontrés pendant la campagne, puisque j'ai encore beaucoup de gens hein, qui votent UPR et beaucoup d'amis UPRiens autour de moi, et ils étaient tous d'une grande naïveté. Alors c'est vrai qu'il y avait comme une euphorie un peu hein, de voir Asselineau sur tous les grands médias, mais pour moi c'était la belle au bois dormant. Je savais très, enfin tout ça allait s'arrêter. Et en plus, le fond de la chose, c'est que franchement, c'était une, pour moi, ce qui me paraît une évidence, parce que c'est des débats avec lesquels, tu vois, on avait déjà eu vraiment depuis très très très longtemps à l'intérieur du parti, où je leur disais, moi, de toute façon, le jour où même il passera un jour dans les grands médias, ce sera pour se faire défoncer, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Asselineau, justement, par rapport à ce message de sincérité qu'il amène, il ne peut être que dans ce monde du mensonge, entre guillemets, total, on va le défoncer. Et c'est exactement ce qu'il sait. Les médias l'ont presque cheminadisé, tu vois. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec Asselineau. Ce qui est terrible. Tu vois, quand on connaît l'homme et la qualité de l'homme, mais c'est ce que les médias ont fait. Et si tu veux, je pense qu'il y a une naïveté quand même, un peu, justement, de la part des instances de l'UPR, comment ils ont abordé la communication de la campagne. Je le pense, hein. Je le dis. Ouais, il y a plein de questions en fin de compte de manquements stratégiques, si je puis dire, du côté de l'UPR, et que, enfin, si je puis dire, hein, après vos avis peuvent diverger, mais là j'ai l'impression que ça manque pas, par contre, du côté de Philippot, en tout cas pour l'instant. Lui aussi il va peut-être atteindre un moment un plafond de verre ou s'épuiser en voyant que ça prend pas. C'est vrai que pour l'instant c'est pas énorme, mais voilà, on le voit encore tous les jours à la télévision, à la radio, donc on peut se dire que voilà, il est dans une bonne dynamique. Quand il sera élu, Philippot, il sera dans le game, entre guillemets. Voilà, c'est ça le truc, c'est sa carte, entre guillemets, c'est comme une carte visa, quoi. Là, tu vois, c'est tant qu'il est élu, il sera dans le game, quoi. Je dirais même plus, tant qu'il a des élus, parce qu'il n'est pas... Des élus accessoirement pour avoir un parti, mais tu sais, quand tu es un élu, tu as déjà aussi une énorme capacité, tu vois, parce que déjà, en tant qu'élu, bah justement, en plus, il a son parti, bah, tu as des subventions et compagnie, tu as des budgets pour ci, des budgets pour ça, et que c'est compagnie. Donc même un seul élu, déjà, il a une capacité incroyable. Et là, en sachant qu'il en a plusieurs, je crois qu'il a plusieurs maires, je crois 3-4, et lui qui est eurodéputé pour l'instant. Donc oui, c'est normal qu'il passe dans les médias, et c'est pas surprenant en soi. Ouais, j'aimerais nuancer un petit peu les propos, parce que moi je suis un peu, enfin j'essaie de suivre assidûment les deux, Philippot et Asselineau, et dans les médias, j'ai remarqué quand même une petite baisse d'Asselineau. Asselineau, normal. Philippot, sur les dernières semaines, là, enfin, depuis décembre, janvier. Là. Après, bon, c'est pas dit que ça va changer avec les législatives partielles, mais je pense qu'en temps de vache mec, quand les législatives seront terminées, partielles, et avant les européennes, faudrait suivre un peu ça, parce qu'à mon avis, il va pas passer aussi autant qu'avant dans les médias. Pour pousser la réflexion plus loin, je dirais que Philippot a été porté dans les médias grâce au FN, en fait, parce qu'il faisait partie du FN et que du coup il a été propulsé dans les médias grâce à ça. Maintenant qu'il n'en est plus, il passe encore un petit peu, je pense que ça a s'essoufflé aussi. Et la question, c'est, est-ce qu'il s'y sortait de nulle part comme Asselineau, est-ce qu'il aurait cet accès aux médias s'il n'avait pas été porté par le FN avant? Non, mais il n'a pas été porté. Enfin, il n'a pas été porté par le FN. Il a été porté par un espèce de nouveau FN, et Philippot a accompagné un espèce de mouvement. C'est ça qui a fasciné les médias, à mon sens. C'est absolument ni la personnalité de Philippot ni je sais pas quoi. C'est que il a accompagné la mutation d'un parti. Il a contribué énormément à cette mutation, en plus. Voilà, et c'est ça qui a intéressé les médias, à mon sens. Et c'est pas parce qu'il était FN, non, parce qu'il était d'un espèce de nouveau FN qui a fasciné les journalistes. Et voilà. Complètement. Il y a un contexte, c'est pas juste parce qu'il est FN. Ah oui, c'est pas juste parce qu'il est FN, non, c'est trop facile, là, quand même. Ah oui. Oh bah là, pour le coup, il n'a plus le tag FN, il a le tag extrême droite. Donc, c'est un bon changement. Et tu trouves que c'est justifié ou pas? De mon côté, j'en sais rien. J'attends de voir si déjà lui il a fait des recours, parce que c'est ça que j'attends en fait. Est-ce qu'il a fait des recours? Si oui, bah c'est tant mieux. S'il n'en a pas fait, c'est-à-dire qu'il s'en tape, et là ça devient problématique. Mais pourquoi ça devient problématique? Parce qu'on sait que l'extrême droite dans les médias, et surtout c'est les médias qui diffusent les messages, et donc parallèlement le Frexit sera assimilé à l'extrême droite, et du coup ça, non, mais ça lui aura une très mauvaise image, et du coup bah, ça servira à rien de voter pour lui. Si tu veux qu'on te rassure, le Frexit est déjà associé à l'extrême droite, c'est pas une nouveauté, hein. C'est-à-dire quand tu parles aux gens et que tu leur dis sortir de l'Union Européenne, immédiatement il y a l'alarme extrême droite, Front National, machin qui s'allume. Ça fait très très longtemps, ça fait des années que c'est comme ça. Donc ça, c'est pas prêt de changer. Le truc, c'est que justement, il y a tellement de gens à la fin qui le demandent et de gens différents, c'est que bon, ça devienne banal, quoi, en fait. C'est ça qu'il faut. Mais c'est déjà extrême droite, c'est déjà le cas. Donc ça, ça change rien du tout. Au contraire, moi, je trouve ça excellent qu'il y ait une voix qui est dans les médias, entre guillemets, les médias mainstream, et qui parle de sortir de l'Union européenne, quoi. Je veux dire, bah, je sais pas, putain, c'est ce que, enfin, je sais pas, c'est ça qui est important pour moi. C'est que cette idée-là, elle est en train de passer justement à grande échelle. Et même après l'élection, encore aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, quoi. Moi, je trouve ça positif. Après, justement, c'est pour ça, au-delà des batailles de com, de machin, voilà, je trouve que je parle quand même d'un temps, quand tu remontes il y a quelques années, où sortir de l'Union européenne n'était même pas, je veux dire, envisageable, au sens où les gens te prenaient pour un fou. C'était, je veux dire, c'était de la psychiatrie de penser sortir de l'Union européenne. Quand je suis entré à l'UPR, que je disais aux gens, oui, je suis dans un parti, on veut sortir de l'Union européenne, t'es taré, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, c'est, pour eux, c'était complètement surréaliste, complètement, le mec, t'es à côté de la plaque, t'es complètement fou, tu vois. Et quelques années après, on en est à ce que des responsables politiques, machin, dans un débat présidentiel, ça parle de sortir de l'Union européenne, etc. Mais c'est énorme, mais c'est énorme. Macron qui dit, ah oui, oui, je ferai pas de référendum parce que sinon les Français veulent sortir de l'Union européenne. Enfin, on en est là quand même. Donc moi, tout ça, je le vois justement, bon, comme on dit, hein, on voit la moitié du verre, la moitié pleine ou la moitié vide, mais moi, je trouve ça intéressant. Il y a un effet de masse. Du fait que, comme je disais tout à l'heure, on était quand même plus de 55%, je crois, à voter contre le traité de Maastricht. Et tout à coup, une fois que ça a été imposé, on s'est rendu compte qu'il y avait, on va dire, 90% des Français qui étaient pour l'Europe. Il y a 35% des Français qui ont retourné leur veste et qui ont dit, bah, l'Europe, maintenant, c'est l'Europe et on veut plus en sortir. Cet effet de masse, c'est quand même un petit peu hallucinant à ce niveau-là. Après, je voulais reparler un petit peu d'écologie, parce que dans un sens, je pense que ça peut vraiment illustrer la position de certains candidats. Je connais pas vraiment le programme de Philippe, de Philippot, mais je regardais un peu ce que disait Mélenchon. Et par exemple, là, on voit vraiment, pour moi, une claire démagogie, c'est qu'il y a un programme qui est déjà européen, niveau écologie, on va sortir du nucléaire en 2035, etc. et tout. Quand on source les informations, je trouve que c'est pas très très fiable. Alors il y a des candidats qui vont choisir de se vautrer dans, parce qu'en fait c'est pas les candidats, les présidents qui vont choisir, mais c'est les scientifiques. C'est la question est vraiment là. Et du coup là aussi je suivrais plutôt l'UPR dans le sens où il ouvre le dialogue, parce qu'il y a des scientifiques qu'on n'écoute pas aujourd'hui sur ce thème-là, je pense. Oui, enfin, les questions écologiques, bon, c'est plutôt en plus nouveau comme sujet à l'UPR. Mais après, bon, c'est quand même pas super déterminant dans le choix quand tu adhères à l'UPR. Je pense que c'est quand même l'idée de la souveraineté qui est quand même le pilier, quoi, lorsque tu adhères à l'UPR. Oui, mais disons que c'est une souveraineté qui va permettre un dialogue. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment, de manière sur le thème écologique, qu'on nous montre toujours les mêmes programmes, et que ça manque de dialogue, ça manque de débat. J'écoute souvent Jankovici ou d'autres. J'ai l'impression que ces gens-là, ils sont un peu blacklistés des programmes d'écologie européenne, etc. Donc toi, selon toi, qui est-ce qui manque de comment dire d'apporter ce sujet-là? Disons un peu de sincérité, parce que quand je lis par exemple qu'on va sortir du nucléaire en 2035, j'ai quelques doutes, parce que quand je vois des sources par exemple de Mélenchon, ou parce que en fait c'est le programme européen hein, qui se base sur Negawatt, si je me souviens bien le site, regardez de près les graphiques, il faut multiplier par 100 le nombre d'éoliennes. Je trouve ça pas franchement réaliste. Et les politiciens se basent là-dessus, hein, vraiment politiciens au sens du terme de faire de la politique, hein, et non pas de la science. Alors que la grande question, elle est vraiment là. Pour moi, il faudrait vraiment relancer le débat de manière un peu plus sérieuse, peut-être. Après, je peux peut-être me tromper, hein, personnellement, mais je pense que ça manque de débat. Ok, mon cher Free Thinker. Écoutez, en tout cas, on arrive à la fin, donc il va falloir conclure. Moi, je vous propose juste juste pour une dernière fois relever ce qui a pu être dit, etc. Et puis de vous laisser chacun conclure ce que vous avez envie d'exprimer. Écoutez, on n'aura certainement pas réussi à réconcilier, je dirais, l'UPR et les patriotes, mais au moins on aura proposé d'essayer de envisager peut-être des ponts entre les deux. On n'aura également pas pu, je pense, défendre un peu plus le côté des patriotes, mais bon, quelque part, je ne sais pas, c'est peut-être une question de proportion, hein. Il y a beaucoup plus d'adhérents et de sympathisants UPR pour le moment. Peut-être que les sympathisants chez les patriotes se font plus rares. En tout cas, c'était hyper intéressant. On a relevé en tout cas plein de choses sur la stratégie de l'UPR. Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, sur ce qui peut pêcher en termes de stratégie chez l'UPR. Et très honnêtement, ça me ferait, j'irais pas jusqu'à ça me ferait plaisir, mais ce serait avoir un regard autocritique au sein de l'UPR et que ça puisse faire avancer pourquoi pas les choses, parce que honnêtement je pense qu'on est à peu près tous à avoir plus ou moins de bienveillance un petit peu envers les deux, surtout compte tenu du fait qu'ils défendent le sujet principal qui débloquerait un certain nombre de choses en France. Malgré les divergences, il reste un bon fond commun et c'est très agréable d'avoir des gens sympathisant un peu des deux camps qui arrivent quand même à discuter dans un cadre vraiment très, très posé, très sain. Et je vous remercie vraiment tous. Donc, dans l'ordre de parole, on a Free Thinker et puis le reste, et on terminera comme la tradition le veut par le maréchal. Donc, Free Thinker, si tu veux bien donner ta conclusion et après Bastos. Alors, s'il y a des ponts à mettre entre les patriotes et l'UPR, je pense que c'est au niveau des citoyens. Tout comme l'UPR appelle à, comme je le défends, hein, des débats scientifiques, des grands colloques, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un pont entre les patriotes et l'UPR avec des citoyens qui vont se rassembler, que ce soit les patriotes et l'UPR, pour discuter entre eux, que ce soit pas à vase clos entre les deux, et qu'on puisse discuter et qu'on puisse se mettre d'accord. Je pense que sinon, effectivement, il peut y avoir un problème d'ego, de carriérisme, hein, on pourrait peut-être même dire. Et donc, c'est peut-être à nous de faire ce travail. Merci beaucoup. Bastos, si tu es dans la place. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, et surtout la fin. Je pense qu'avant tout, à un moment donné, c'est voilà, ça reste une bataille d'ego, malheureusement. Alors peut-être qu'à le futur, j'espère qu'ils vont nous contredire, quoi, et peut-être essayer de parler et peut-être trouver un terrain d'entente d'un point de vue stratégie politique. Voilà, bon, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, comme tu l'as dit aussi à l'assaut, c'est les deux parties sont intéressantes et sont tellement proches que pour moi, je leur souhaite vraiment, vraiment qu'ils s'allient et qu'ils aient une vision commune, voilà, pour au niveau de la stratégie pour le futur. Très très beau message, Bastos, j'approuve, merci, merci beaucoup. Et Luna Sunshine, toujours parmi nous, peut-être plus. La pause, c'est la pause T de 1h30. On n'a pas Olof, si tu veux bien. Alors c'est vrai que je reviens encore là-dessus. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y aura pas d'alliance entre les Patriotes et l'UPR. Je tiens pour source ce qu'a déclaré Cyril Martinez des Patriotes, qu'il n'y aura pas d'alliance entre les Patriotes et un autre parti. Donc une alliance entre chefs. Cependant, je crois que c'était Bastos qui l'a dit ou Freethinker, que ça peut venir une alliance entre les militants sympathisants. Mais là encore, ce serait pas assez efficace à mon sens. C'est bien dommage. Les deux parties ont des défauts, ont des qualités. On verra ce que ça va donner à l'avenir. Surtout que 2019 arrive encore, c'est dans un an. Merci à toi, Paolov. On a Takasan. L'UPR est un astre mort, les Patriotes une coquille vide, les batailles d'ego sont trop importantes. Je crois absolument pas qu'ils vont arriver à s'entendre. Je suis assez pessimiste pour les deux parties. Je pense que l'un va manger l'autre, lequel je vais me prononcer, mais. Voilà. Mmh. Bah, merci, ouais, en effet, c'est un peu plus terne, mais bon, il y a de ça aussi. Et enfin, Dol. Alors, pour moi, l'UPR et les Patriotes sont des chances qui sont en train de naître. Je suis plutôt positif. J'espère que l'UPR va manger les Patriotes et qu'ensemble, ils vont pouvoir se développer pour mener le combat qu'ils doivent mener, parce que c'est dans notre intérêt commun, pour notre destinée commune en tant que nation et de compatriotes. Je sais pas quelle tournure tout ça va prendre. C'est vrai que y a quand même beaucoup de choses contre nous et des choses très très puissantes. Globalement, je reste quand même du côté d'Asselineau pour son travail, pour sa rigueur, pour la continuité de son œuvre. Et j'espère qu'il arrivera vraiment à atteindre ses objectifs et à dépasser le plafond de verre qui le bloque actuellement. Et je pense que sa base l'aidera beaucoup pour ça. Merci, merci pour lui. Et puis, écoute, je crois que c'est le moment de conclure avec Topa. Alors. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Encore une fois, voilà, un sujet qui aura bien animé, un peu plus même que d'habitude, c'est très bien, il y a eu quelques... C'était bien productif, je pense. Après, pour conclure, moi, je pense qu'effectivement, il y a très peu de chances qu'il y ait d'alliance. Pour commenter un peu la citation qu'on nous met de Cyril Martinez, elle signifie rien pour moi, parce que oui, il dit « je ne suis pas là à faire l'alliance entre chefs », ce qui signifie que voilà, s'il y a une alliance, c'est une alliance de militants, une alliance citoyenne, entre guillemets, puisqu'ils ne veulent pas se poser justement dans de la petite tambouille. Ça, c'est évident. Mais après, je suis désolé, les militants, c'est les mêmes, les gens, c'est les mêmes. Regardez, vous êtes tous là, vous pensez plus ou moins tous la même chose, de toute façon, sur tout un tas de sujets. Et je me dis que si les militants sont capables de dépasser ces clivages-là, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que ce soit eux qui prennent le pouvoir réellement au sein de toutes les organisations pour former une fédération, je ne sais pas. En tout cas, arrêter ces petits clivages de chapelle qui finalement ne font que partitionner un peu l'échiquier politique et toute la force des mouvements dits souverainistes. Je trouve qu'elle s'essouffle de cette division qui n'a pas lieu d'être. Et peut-être qu'elle mourra justement de sa belle mort à cause de ça. C'est bien triste, mais voilà. En tout cas, si les gens arrivaient peut-être à dépasser leurs égos pour justement entre guillemets, un projet qui les dépasse, tu vois, qu'on mette les choses au-dessus, c'est-à-dire que voilà, il y a la France derrière. Si on arrivait à dépasser ça, bah peut-être que justement on l'imposerait, quoi, parce que ce serait tellement visible pour tellement de gens que c'est ça qui provoquerait l'émulation. C'est parce que l'émulation, faut la provoquer aussi, hein, faut le faire. Et on parle, ouais, le CNR, ils ont renversé les choses et tout, mais voilà, est-ce que nous on est capable de ils ont dépassé leurs petits égos, je pense quand même, parce que les différences qui les différenciaient, c'était plus que 3 virgules quand même, quoi. Enfin, je pense que vraiment, voilà, enfin, il y a un effort à faire, et je ne sais pas si effectivement on est prêt à le faire. Je sens que les militants, de votre point de vue, vous êtes plus mûrs en tout cas que les leaders, mais peut-être ça va pousser, je ne sais pas. En tout cas, on va partir sur une bonne note. On pense que c'est à la fin, c'est nous qui gagnons. Pour mal parler français. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, bah, je vous dis à un prochain débat, quoi. Et vive l'UPR, vive les patriotes et vive la France. Ciao. Merci. All right. Au revoir tout le monde. C'est dans la boîte. Bon, c'est dans la boîte. Merci à tout le monde. Hein. Ben, merci à vous. Super, merci. Ouais. Merci d'avoir participé, c'était sympa et tout, quoi. Merci. C'était merci. Très cool. Ok, bah, de toute façon, on repart dans nos discussions interminables et un peu plus informelles dans les salons habituels, voilà, pour ceux qui veulent continuer. Ah oui, voilà, bah, ceux qui veulent rester, oui, voilà, bah, vous découvrez le Discord, voilà, ici, le Discord, vous pouvez rester, il y a encore des discussions, quoi. Avec plaisir. Allez, c'est reparti. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est en haut. Non, non, c'est vrai que c'est dommage. Finalement, la conclusion, c'était l'ego, quoi. Tu vois, et on en reviendra toujours à ça, quoi, malheureusement. Bah, je me demande, moi, personnellement, comme je disais, créer des ponts entre les patriotes, etc., si des Lordon, des Étienne Chouard, des Jean Covici, etc., pourraient pas nous permettre, justement, de créer ces ponts avec un point de vue vraiment neutre et puis informé. Parce que ce que je remarque souvent, c'est que on a beau débattre entre nous, des fois il nous faut des experts. Enfin, je pense surtout à l'écologie, hein, sur ce point. Ce que je trouve dommage, moi, c'est que c'est même sûr à 100% que au niveau des militants UPR comme LP, on est sûr à 100% qu'entre nous, on s'entend. Mais là, c'est dommage que j'ai pas pu rajouter quelque chose à ce qu'a dit Tepa. C'est que malheureusement, bah, si nous, de notre côté, en tant que militants, on se dit « Ah tiens, ça serait cool, une alliance », et qu'en fait, même si c'est la moitié des militants de chaque... enfin, des adhérents, pour dire que ça, les adhérents de chaque côté... ça fait que faudrait déjà décider d'un chef, d'une stratégie, et ainsi de suite. Et même si on est nombreux, on va dire 80% de chaque côté, ça sera dur. Enfin, du côté de l'UPR, il y a déjà une stratégie d'alliance et on adhère ou on adhère pas. Bon, ça, c'est dans la charte, du coup, on peut pas trop modifier. Tandis que du côté des patriotes, de ce que j'ai compris, elle peut encore être légèrement modifiée ou du moins ça. On peut être encore axé dessus. Et c'est dommage la position de Philippot et de son. Ah, on la connaît pas, la position de Philippot. Et moi, comme je te dis, moi, je réponds, c'est dommage la position du père. Parce qu'en fait, regarde, on va être très clair. Pour parler, tu vois, franco, il y a des élections là qui vont arriver. Il y a une échéance, c'est les élections européennes. Les partis, clairement, qui ont à jouer une carte dans ces élections, c'est les petits partis. On connaît la logique de ces élections. Et les partis de ces futures élections, mais putain, c'est vraiment UPR et les patriotes, quoi. Je veux dire, s'il y a bien des partis qui ont une putain de carte à jouer avec le Brexit et compagnie, à accompagner, en fait, le mouvement qui est en train de se faire en Europe, je veux dire, c'est UPR et patriotes qui sont dans le même créneau, entre guillemets. Il n'y a pas que ça. Non, mais attends, laisse-moi finir. Pourquoi, en fait, ces deux formations vont aller au même combat en formation séparée? Alors que quand bien même ces deux, entre guillemets, petits, qui, c'est pour ça l'alliance de ces deux-là, elle ferait que ce serait beaucoup plus facile, tu vois, d'aller présenter des listes partout et d'être beaucoup plus présent et de faire un travail. C'est ça le travail d'alliance, en fait. C'est d'avoir des mains partout, tu vois, et de multiplier. On est plein de petits, mais si tu es plein de petits, bah, tout d'un coup, tu deviens un peu plus gros, quoi, tu vois. Et c'est ça le truc. Donc moi, je trouve que si tu veux, par exemple, dans des échanges comme ça, franchement, je dis une idée comme ça, mais qui est complètement cohérente, une alliance UPR patriote pour avoir des listes communes aux élections européennes, c'est complètement cohérent. Mais c'est surtout que déjà c'est débile de, enfin de mon point de vue, je trouve ça un peu débile de jouer de son côté, étant donné qu'on a la même position sur l'Union européenne. Bon, pas sur l'OTAN, mais malheureusement, mais c'est, on a au moins l'axe principal sur l'Union européenne. Et pour l'élection européenne, bah c'est tout donné vu qu'on a le même axe. Donc, et en sachant que les patriotes seuls, je pense pas qu'ils atteindront 5%, l'UPR seul n'atteindra pas. Exactement. Alors qu'à deux, en plus, tu sais quoi, au lieu justement de se phagocyter l'un et l'autre, ils vont s'additionner. Et là, c'est un plus un ticket gagnant, quoi, crois-moi, parce que là, ils pourront sortir 2-3 députés, tu vois. Et là, Asselineau, il aura sa visibilité médiatique constante. Tu comprends, c'est ça. Mais c'est ça, ouais. Parce que si ensemble, ils atteignent 5%, je crois que c'est 4 députés, si je me souviens bien, ou 3 ou 4 députés, de toute façon. Voilà, enfin bref, tu vois, on s'est compris. Et si tu veux. D'un côté, ça renforce. Clairement, il y a un pari qui est un pari gagnant, je trouve. C'est ça le truc, c'est tout. Et mais ça, c'est penser en stratégie politicienne, je l'avoue, bien sûr. Mais on ne fait pas de politique sans stratégie. Oui, parce que là, actuellement, le truc, c'est que ça divise l'électorat. Et entre deux électorats qui visent la même chose, c'est quand même, on peut le dire, exactement. Juste un truc comme ça, je me pose. En fait, les grands colloques, les grandes discussions, on a ça que chez l'UPR, là, chez Philippot, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat actuellement. Donc je me dis, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un pont à faire, c'est que ces colloques, il puisse y avoir des patriotes qui viennent rejoindre les colloques pour débattre directement dans l'UPR. Alors ça, ce serait plutôt l'inverse, l'UPR qui devrait venir chez les patriotes au début du mois prochain, j'ai plus la date en tête. S'il y a un patriote, il pourra sûrement le dire. Je crois qu'il y a une cérémonie d'ouverture. Éventuellement, ce serait à ce moment-là que les gens de l'UPR pourraient parler à Philippot pour qu'ensuite il y ait un pont entre les deux. C'est juste à ce moment-là. Bon, par contre, je ne sais plus quand c'est. C'est mon point de vue. Ouais, mais je connais très mal les patriotes, malheureusement. Je sais pas ce qui s'y passe et s'il y a des débats qui ont lieu, hein, tout comme chez nous, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir s'il y a moyen de créer un pont à ce niveau-là, quoi. Alors, c'est le congrès fondateur le 18 février à Arras. Donc peut-être qu'il y a moyen de lisser quelques UPR pour faire la discussion. Ouais, ça risque d'être houleux. Mais sinon, ces colloques, est-ce qu'il y a des fois des personnalités scientifiques pour ce qui est de l'écologie, des sociologues ou des gens bien placés qui sont invités? Alors je sais que pour l'UPR, la dernière fois, si je dis pas de bêtises, il y avait Vincent Brousseau qui est économiste, donc ex-économiste numéro 3 de la BCE, donc c'est quand même quelque chose pour l'UPR, mais pour les LP, je ne sais pas du tout. Parce que moi, j'aurais envie de voir des gens qui sont extérieurs, qui n'ont pas forcément leur carte dans un parti ou un autre, mais qui soient experts dans un domaine. Quoi. Ah, je suis de mauvaise langue, je crois qu'il y avait. Jacques Sapir, enfin bref, un économiste qui était venu lors d'un congrès Les Patriotes, c'était en décembre ou novembre ou décembre.